J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oye, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Bonne émission à tous! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui! Ouais. Saturation du micro! Allez. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast, tout simplement le 14e de cette saison 4, c'est le 14e, c'est ça, le 14e épisode, un épisode un peu particulier. Nous sommes, parce que si vous l'écoutez le jour J de sa sortie, nous sommes mercredi, tu baves, espèce d'enfure. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, qu'est-ce que t'as retrouvé? Ah, c'est pire que de la bave, hein. Il y a du snack. C'est horrible. Dans le jus de pomme. Attendez, alors, attends, remonte, montre à Sarah. Sarah, il faut que tu regardes. Il y a une capote dans mon jus de pomme là. Non, mais c'est vraiment horrible. Pardon. Mais attends, c'est mais ignoble. C'est dégueulasse. J'ai envie de prendre une photo. Très bon titre. Qui a amené ça là? Non, mais l'autre il sort ses Mickey et il nous montre. Non, très bon titre d'épisode. Il y a déjà une capote dans mon jus de pomme. Mais franchement, ça démarre sur les chapeaux de roue, frère. Ouais, non, c'est vraiment. Il y a une mer comme les mers de vinaigre. Non, mais c'est vrai qu'il y a une méduse dans son jus de pomme. La personne qui a amené ça. Je sais pas qui l'a ramené, ça date un peu peut-être. Mais celui qui l'a ramené, c'est il y a 6 mois en fait. C'était il y a longtemps. Ah oui, date de péremption 2006. Ah ouais, je suis désolé. Putain, j'ai pas besoin de ça là. Non, c'est pas vrai. Je t'en resserre un petit peu non, ou pas? Non, c'est pas vrai en plus, tu peux non. le voir. Écoutez, ouais, mais ça c'est avant de. Non, mais après c'est du bio, hein, c'est donc du c'est bio, pas. Ouais. Bah, vous voulez du bio, bah les trucs ils sont pas filtrés. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas filtré, y a pas de conservateur, ça devient. Ça se plaint après, non mais n'importe vivant. Quoi. On a un peu cassé ton intro. Oh là, si tu savais. Peut-être la meilleure de tout. C'est une très bonne intro. Je te rappelle que dans la dernière émission, Yvick lâchait des caisses dans un micro. J'ai reçu des plaintes, je vous le cache pas. Non, ouais, j'ai reçu des plaintes de. Non, c'est là. Faut savoir qu'Adrien a une petite guerre contre les misophones. Non. J'essaie non, d'être arrête, entre parce les deux. On m'a repris et tout. On a dit, ouais, tu te moques des misophones, mais ça peut être une vraie torture et tout. Des misophones, c'est les gens qui n'entendent. Parce que je vois Sarah. Voilà. Qui n'aiment pas trop. Les... Arrête t'es un malade. Je peux faire une anecdote. Vas-y. Petite anecdote. La personne avec qui je dors la nuit, ma copine, elle a des. Des fois, elle est un petit peu stressée. Quand elle est stressée, elle fait des bruits de bouche la nuit. Et ça fait genre vraiment le dauphin galaque en train de mourir. Et je te jure que je deviens misophone. Moi, je comprends un petit peu les misophones aussi. Parce qu'il y avait, la cousine de ma grand-mère qui faisait des bruits de bouche à table. C'est très désagréable. Je croyais que t'allais me dire les bruits de bouche la nuit. C'est. Effectivement, c'est non, effectivement. Bon. J'arrive pas à faire le dauphin. Du coup, j'en profite pour rectifier. J'ai rien contre les misophones ou contre les gens qui ont des phobies. C'était plus pour le fait que maintenant, dès qu'il y a un truc qui nous dérange un peu, on dit « Ah, mais moi, je suis phobique de ça ». Et il y a une différence entre être phobique et oui, genre c'est un peu embêtant, quoi. Oh, c'est comme « Oh, je suis allergique ». Bon, juste t'aimes pas ça et t'as pas envie qu'on t'oblige à le bouffer, quoi. Exact, voilà. Mais les misophones, calmez-vous quand même. Ceci étant dit, après calme-moi, t'as bien entendu. T'inquiète. Après ces 17 minutes d'émission, je vais vous présenter, puisque nous sommes avec 5 invités. Enfin, c'est jamais Adrien n'est plus invité. Adrien, il a son prénom dans le titre. Bah, c'est vrai. Non, mais voilà, et maintenant, il est dans le logo. Du coup, c'est pas un invité. Non, mais ça y est. Ah bah voilà, mais non, mais parlons-en. Parce qu'Adrien, non, mais réglez vos comptes tout de suite maintenant. Moi, je t'ai jamais considéré comme un invité. Oui, moi, je l'ai longtemps considéré comme une espèce d'invité exceptionnel à la manière de Laurent Baffy, son alter ego de la télévision. Oui, enfin, Ardisson, il lui paye un salaire, tu vois, c'est pas un invité, quoi. Arrêtez deux secondes. Bah voilà, mais moi je te paye pas, t'es dans le je vais appuyer sur un bouton du son. Non. Donc t'es invité. T'es dans le pacte d'associés. Voilà. Non, mais bon, après voilà. Si sur le logo, s'il y a mon nom dans le générique. Bon, tu n'es plus invité, mais je te présenterai quand même. Nous sommes avec. Non. Alors, comment je dis? Parce que moi, je t'ai connu Juliana, tu es devenue Julie. Alors, tu sais quoi dire? Juliana, on l'a connue, Juliana. Julie. Ah, on l'a connue, elle était haute comme ça, dans la pampa. Juliana. Haute qu'il y a les pommes. Eh bien, tiens, les pommes qu'on mange. Avec des capotes dedans. C'était en 2006. Du coup, on l'a virée. Pomme à la méduse, ça s'appelait à l'époque. Personne n'en voulait. Nous sommes avec Julie. Bravo! Julie, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je m'appelle Julie ou Juliana, c'est au choix. Super, le prénom au choix, c'est cool. Dans la vie, je suis scénariste et dans la vie nocturne, je suis podcasteuse pour le 2 heures de perte. Voilà. Alors nocturne, 19-22 quoi. Voilà. Je fais 2 heures de perdu et Comité, un podcast sur Jean-Claude Van Damme. Ah oui, bien sûr, avec Nekoto. Ben Renaud, oui, je sais jamais, oui. Et qui est venu dans cette émission il n'y a pas plus de 2 émissions. Qu'on le salue. Et voilà, et qu'on salue très fort. Et avec dont je suis banni. Banni car tu détestes la pop culture, comme on pourra l'entendre dans l'épisode qui est sorti en même temps. Vous serez bien sûr. Ready Player One, exactement. On a fait un crossover avec Deux heures de perdu. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un contre-pied parce que tu détestes pas tant que ça finalement. Mais pas du tout. Tu avais quelques références pop, on était surpris. Antoine, on crée des personnages. Moi par exemple, j'ai beaucoup de succès avec les femmes et je suis un très bon coup. C'est des petits persos. Déjà, moi, j'étais, je l'ai pas dit, mais moi, j'étais vivant à l'époque de l'Atari, quoi. Enfin, je suis peut-être le seul autour de cette table qui a vraiment joué à l'Atari quand t'étais petit, quoi. Donc, je connais toutes ces refs, elles me parlent. C'est pas pour autant que j'ai juste les inondés. À l'époque, fallait se la payer l'Atari, hein. Bah, j'avais énormément de chance. Voilà. J'ai pas dit que je l'avais, j'ai dit que j'y avais joué. Ouais. Ah. Chez des amis qui avaient énormément d'oseille. Et à Skip, ce qui est à leur culture, c'est des misophones aussi. Exactement. Tous les mêmes. Nous sommes. La soupe miso. Nous sommes également. Ça va pas être à ta place, tu galères. Et en même temps, je l'assume complètement. Nous sommes également avec Sarah. Ah, c'est moi après. Bravo. Les femmes d'abord, on est pas sexiste dans le podcast. Ah non, on invite des femmes une fois sur huit. Sauf parfois. Ah, vous êtes toutes excitées. Hein. Et Sarah, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, je suis Sarah. Dans la vie de tous les jours, je suis chômeuse. Donc, c'est un appel si jamais vous avez du boulot. Et sinon, je fais partie du podcast 2 heures de perdu, ainsi que du podcast EPO, l'épatant podcast Omnisport, qui sort une fois par mois. De fréquence moderne. De fréquence moderne également, ouais, comme 2 heures de perdu. Faites pas de pub pour votre network. Chez les indépendants, quand même. Fréquence moderne. On va le faire longtemps. Fréquence moderne. On est là pour ça. Hein. D'accord. C'est ça, ok, j'ai compris. C'était le deal. Tu m'avais dit, c'est pas payé, le jus de pomme est dégueu, mais tu peux faire ta promo. Bon, c'est une OP, quoi. Nous sommes également avec Greg. Bravo. Ouais, ouais, ça c'est wham. Là, faut que je me présente. Greg Y Grégo, peux-tu te présenter? J'ai jamais fait ça de ma vie. Bonjour. Je m'appelle Greg, bonjour. Je te connais peut-être pas. Alors, dans la vie, je suis ingénieur du son. Je participe également à 2 heures de perdu depuis le premier épisode, mais pas tous. J'ai pas fait tous les épisodes. Et je fais également un autre podcast qui s'appelle Culture 2000, qui est chez Fréquence Moderne. Et oui, on fait de la pub, on fait de la pub, on en a rien à foutre. Et nous sommes également avec Antoine. Oh, bravo. Enfin, Toto. D'accord. Toto, Tony. La radio. Tony. Tony. Tony. Tony. Ouais. Toto Coutugno. Papy Toto, comment peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je fais un podcast qui s'appelle 2 heures de perdu. Ah, mais c'est marrant, c'est moi aussi. Très commun. Ah, mais vous êtes là. Quelles étaient les chances pour que. Qu'on soit là tous les quatre, tu vois. Putain, ça sort le jour même en plus, c'est incroyable. Et t'as eu du nez de nous inviter tous les quatre, on le savait même pas. C'est une OP. Et j'ai une activité par ailleurs. Je me lance dans le gaming. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai la chance d'être invité même. Mais moi aussi. Ça a complètement changé. Ouais, j'ai acheté du matos, de la lumière et tout. Et je travaille sur un concept. Et tout nouveau. Le fond noir, il tombe toujours ou ça va mieux? Là, j'ai acheté des crochets, il va tenir. Et donc, la combi pour. Si vous n'avez pas compris. C'est un easter egg. Un easter egg de geek. C'est dans Ready Player One. Il y en aura quelques-uns. Dans l'épisode de Ready Player One. Oui, n'hésitez pas à écouter l'épisode aussi. Pour tout comprendre. Ceci dit, Mario, ce combi, ça donne envie de faire de. On va dire des refs aussi. Il faut savoir aussi King que Kong. Si le son est excellent, c'est parce que l'association Fréquence Moderne me prête avec beaucoup de gentillesse son matériel. Mais ça, soyez rassurés, ça sature et ça grésille dès la semaine prochaine. Allez, salut. J'en profite aussi pour dire qu'on enregistre les deux émissions à la suite. Voilà. Il est déjà 2h30 du matin. Et j'ai très peu dormi. Et il y a 4 bouteilles de vodka sur la table. Exactement. Antoine nous a prêté aussi la petite boîte à son qui s'est mise sur pause. Hein, je tiens à le dire très vite. T'as plus les icônes là. Ben oui, c'est vrai, les icônes sont revenues. Donc peut-être de temps en temps, je lancerai des petits bruitages. Un test. Bah écoute, on passe à la première partie de l'émission. Alors. Ça, c'est du jingle. Ah, c'est pas mal. Putain. C'est hip-hop. C'était Virgin Radio, quoi. C'était bien calé et tout. C'était pas mal. Ouais. Attends, on peut le tenter. On fait un petit jingle à la bouche. Je propose avec. Je joue avec le DJ, d'accord? C'est sur les infos insolites. Ok. Info insolite. C'est très impressionnant. Et ça s'enchaîne bien, franchement, c'est fabuleux. Ouais, moi, je suis pas ingénieur du son, je me suis pas présenté, mais je suis pas. Faudra peut-être le préparer un peu, celui-là. J'ai fait le tour sur les sites un peu insolite de un peu hot. Je vais aller pardon. Qui se met trop mal à l'aise. C'est que des c'est que de l'actu hard, tu sais genre. C'est possible. Elle se fait défoncer par son beau-père. Non, alors... non. Alors... Ah bah on n'est pas chez nous. Si si, continue. Non. Bah moi j'en profite, ça m'amuse. C'est des titres classiques de vidéo porno. Un de mes préférés c'est récemment. C'est une rêve geek, pardon. Un de mes préférés récemment a été, je suis tombé dessus complètement par hasard. C'est un étudiant baise mal sa copine devant son chien. Et le chien le vit très mal. Ouais, j'imagine vraiment le chien avec une fille genre mais mon pauvre vieux. Moi j'en profite, je l'ai jamais pu la placer en Heures de Perdu parce qu'elle est trop vulgaire. Je me baladais sur le câble, la télé là, mais, et je fais putain, il y a des boulards aussi avec la boxe. Et donc je batte et tout. Et il y en a un, le titre c'était Elle suce des bites dans le sous-bois 2. Ah oui, le 1 avait bien marché. C'est pour parce ça qu'on n'avait pas tout dit dans et le 1. Je trouvais le titre vraiment un peu précis. Il y avait sous-bois, il y avait 2, ouais. Il y avait Elle suce des bites. Elle suce des bites dans le hameau à côté de la commune, derrière le rond-point au niveau de la pépinière. C'est adapté d'un très gros bouquin, donc ils l'ont fait en deux parties. Bah oui. Ils ont enlevé des références. Ouais. Je commence avec nos amis britanniques qui, je vous rappelle, vont peut-être quitter l'Europe. Peut-être. Voilà, je le rappelle. Oui. Ils ont fait un petit sondage pour savoir quel était le lieu touristique le plus décevant du monde. C'est drôle. Ce qui est quand même un très bon sondage. Ouais. À votre avis, lequel était-ce ? En tout cas, ce n'est pas Notre-Dame, cette grande dame de pierre qui nous a bien quitté. Tu me fais chialer. Moi, celui qui m'a le plus déçu, c'est le Manneken Pis. Parce qu'il est vraiment très petit. Je crois que je l'ai vu. C'est pas la Joconde. C'est pas la Joconde au Louvre. Écoute, ça a été extrêmement vite, mais c'est vraiment le Manneken Pis. Bravo ! C'est un petit côté. Anglais, bah puisque c'est vraiment. C'est quoi le Manneken Pis? C'est même pas de la vraie pisse. C'est en Belgique, c'est un Bruxelles, c'est un petit bonhomme qui fait pipi et c'est genre l'emblème de la Belgique. Et en fait, il fait vraiment bah, 20 cm d'eau. À l'image des Belges. Ouais, mais il est pas obligé d'être grand pour l'emblème. Être cool. L'emblème de la Belgique, c'est un gamin qui se touche la bite. On est pas mal pour moi. Moi, ce que j'aime bien au Manneken Pis, c'est que tu y vas, tu le vois, tu fais ah ok, c'est ça. Et après, tu te barres et tu vas boire des grosses bières. Du coup, ce qui est ouf, c'est qu'ils te vendent partout dans les lieux touristiques autour du Manneken Pis. Bah, acheter un gamin qui pisse. C'est charmé, t'as des petites statues de gamin qui pisse. C'est EasyJet qui a lancé ça, Manneken Pis, selon les Britanniques, effectivement, c'est le Manneken Pis qui est troisième. En fait, je me suis trompé. Bah c'est oui, pas ah, donc c'est pas du tout gagné. Non, je pense non, c'est pas gagné. Pardon, parce qu'en fait, c'est un petit top 3. Le QG de Daesh. Mais attends, attends, il faut que ça soit payant ou pas ou pour valider C'est pas dit. Parce que la sirène de Copenhague, c'est bien nul aussi. Hein, bah, en c'est exactement ça. Pareil. Elle doit y être dedans. Hein. Mais elle est mieux la sirène que le Manneken Pis. Ah bah... Manneken Pis est troisième. En fait, il y en a deux au-dessus. Alors, est-ce que c'est en Europe? Tout est en Europe. Alors, le deuxième, parce que je n'ai aucune culture. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bah, la de Chine non. La tour et Eiffel non. Petra. Je suis un débile, mais il y a des limites. Et donc, le premier, c'est. Le premier est très connu. Petra. Et c'est en Europe? C'est en Europe. D'accord. En France? Et c'est décevant. C'est en France. La mais porte de Bordeaux. C'est pas la Joconde? C'est la Joconde. Mais oui, mais c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Bah, hey, mais de comment ça, c'est décevant? Comment tu peux être déçu de la Joconde? Parce qu'elle est toute petite et qu'en vrai, il y a beaucoup de gens devant. C'est EasyJet. Oui, tu voulais quoi? Tu voulais un 4x3 pour. Par contre, j'ai pas le deuxième, j'ai oublié. Le deuxième se trouve en Allemagne. C'est la Prote de Brandenburg. Le mur de Berlin. Non. Tu sais pas où c'était. Plus, vraiment. Il y a un bout, il y a encore un bout. Ah, c'est. D'ailleurs, mon père m'avait fait. Mon père était sur le mur de Berlin à l'époque. Hein, et il avait ramené un petit bout de pierre en disant tu verras, ça vaudra des millions. Ah, vraiment, je sais ce que c'est. Tu vas sur eBay, c'est vraiment 10 balles. Mais surtout, c'est vraiment genre allez, capitaliste, j'investis dans la pierre. Je vole un morceau de monument symbolique, tu verras, ça prendra de la valeur. C'est vraiment une caillasse en plus. Donc va prouver que c'était dans le mur de. Mon père, pas du tout un geek. Est-ce que c'est Checkpoint Charlie? Exactement. Wow. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est décevant. Ouais. Je suis d'accord. T'as l'air très amusé. Pour par te dire, j'aurais pas su où c'était non plus. Non, mais la Joconde, ouais, mais ils sont débiles. C'est l'histoire de l'humanité. Ouais, bon, calme-toi. C'est un classement anglais. Hein, c'est ça. Je pense qu'on est assez chauvin quand même, tu sais. Ouais. Genre, le Manneken Pis, c'est tout. Ouais, c'est bien de la merde. Et la Joconde, non, pas du non, tout. Joconde, c'est génial. Pas nous. Ouais, c'est italien en plus. C'est français. On l'a bien volé. Hein. Non, c'est pas français, d'accord. Pour moi, mais elle est quand même chez nous. La Joconde, c'est bien français quand même. Pour moi, ça reste français. Alors, à l'enchaînement, je vais l'acheter très très vite, vraiment, et gâcher tout. Une étude a affirmé récemment qu'un certain type de la population, et je vais vous demander de vous calmer immédiatement, comporte plus de bactéries que les chiens. Les misophones. Alors, ce ne sont pas les misophones. Les geeks, ouais. Non, ce ne sont pas les geeks. Enfin, certains pourraient être geeks. Attends, mais une partie de la population. Voilà. C'est vraiment un piège tendu. C'est vraiment c'est-à-dire hyper tactique. Moi, je ne dis rien. C'est-à-dire que là, je suis bloqué. Toute blague est ratée. C'est sûrement les hommes, parce qu'ils sont sales. Alors, j'essaie de me sauver hein, pour dire des trucs après. Ce sont des hommes. Mais un certain type d'hommes. D'accord, mais que les hommes et pas les femmes. Que les hommes. Est-ce que les hommes ne savent pas? Alors, est-ce que déjà oui, je pense. Ah bah, mais est-ce que c'est un métier, c'est une nationalité, non. Qu'est-ce qu'on est-ce cherche que c'est comme... un métier. Non. Est-ce que c'est de religion? Non, c'est pas une religion. Calmos. Plus de bactéries que quoi, que la moyenne? Que les chiens. Ah, que les chiens. Ok. Est-ce que les hommes chiens? C'est des hommes qui vivent dans une certaine région du monde pas ou du ça tout, peut être pas partout. Du tout. Est-ce que c'est des loups-garous? Parce que ça, à la limite, ça, tu peux comprendre, ils sont les agents de chenil. Non. Est-ce que c'est, lié à une activité qu'ils pratiquent? Non, c'est plus lié à d'accord. À une sorte de look. Ah, c'est ceux qui ont des dreads. Ah, les grunge. Les rasta. Gothiques. J'ai pas tout. Gothiques, non. Rasta, non. Les dreadeux, là. Pas les dreadeux. Les massifs. Ceux qui traînent devant la Fnac de Dijon. Les quepons, là. ceux qui sont dans la petite rue pour aller à la Fnac. On est sur la droite, on les connaît. Ils nous demandent des pièces à chaque fois. Ils sont agaçants. Est-ce que c'est un style vestimentaire? Non. Attends, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Ça doit être corporel, c'est sûr. C'est prouvé. Tu vois bien que cette émission n'est pas assez préparée pour te répondre. C'est des scientifiques suisses. Voilà. Les tatoués? Ah, les scientifiques suisses, c'est les meilleurs. Ouais. Ça, c'est vrai. Qui ont des piercings partout? Non. Mais est-ce que c'est capillaire? C'est pas capillaire, mais c'est du poil. Ouais. Ah, c'est les barbus? Les barbus. Ah, les gros porcs. Les barbes de 18 hommes âgés de 18 à 76 ans au pelage de 30. Ils ont comparé 18 hommes à 30 chiens de races diverses. Ouais, mais c'est pas des chiens de rue non plus, tu vois. Enfin, non, c'est des scientifiques suisses, ils savent ce qu'ils font. Non, mais ça dépend d'où. Ils viennent d'où, les chiens? Si c'est des chiens suisses, ils sont forcément plus propres qu'un chien français. Mais les hommes français. Étaient suisses aussi. Les hommes devaient être suisses aussi, donc du coup, ils sont plutôt propres, les suisses. Ok, là, ça marche. D'accord. L'étude va plus loin. Ah ouais, donc je n'ai plus jamais envie d'embrasser un barbu, quoi. Oui, bah après, parle-moi mieux. L'étude va plus loin. Elle révèle même que 7 des sujets humains transportaient des bactéries dangereuses pour la santé. Désolé, j'ai Ebola dans ma beubare. Qui comportaient des risques pathologiques. En ce qui concerne les chiens, ils ont enregistré des niveaux de bactéries moyens à faible. Sur base de ces résultats, les chiens peuvent être considérés comme plus propres que les hommes barbus. Du coup, en Suisse, ils sont mieux payés. Voilà, ouais. Exactement. Il faut quand même une taille de barbe assez conséquente. Oui, j'imagine. J'imagine, ouais. Ce n'est pas dit, ce n'est pas dit. Il y a un village qui s'intitule Guise, qui était un peu énervé récemment, c'est dans l'Aisne. Gizmo, c'est une ref. Ils étaient un peu énervés. Je vais déjà être très très large. Pourquoi, à votre avis? Attends, on est où? C'est dans quel pays, t'as dit? Dans l'Aisne, en France. L'Aisne, quel pays c'est? C'est en Europe. C'était énervé pour une raison. Une raison. Leur tour était penché. Non. Quoi? Apparemment pas. C'est politique. Oh, à ta guise. C'est hein. Pas politique. J'ai failli dire ganché. Hein, c'est ça. Écologique. L'Aisne, c'est le département 02, hein, c'est ça? C'est 01, je crois même, non? Non, c'est non, ça, l'un. C'est l'un. Ouais, c'est con. C'est les deux que j'avais appris à l'école. J'avais été jusqu'à deux. Un projet. Projet de rond-point. Non. Est-ce que c'est. Est-ce pas un projet de construction, quoi? Pas du tout. C'est par rapport à leur école qui a fermé. Alors, une odeur. C'est par rapport à une école, mais d'accord. Elle n'a pas fermé. D'accord. Donc, c'est par rapport à l'école. On allait apprendre quelque chose aux enfants qui ne voulaient pas qu'on leur apprenne. Non. Il y avait un professeur chelou. Non. Là, ça devient. Il y avait un spectacle qui a été annulé. Solide, quoi. Hein? Il y a un spectacle qui a été. Non. Ah, je sais. Ah, je sais. Ah, c'est bon, je l'ai, je suis sûr. C'est très présomptueux. Il y avait une classe où il n'y avait qu'un élève et ils ont voulu la fermer. Pas du tout, pas du tout. Dommage. Ouais, pourquoi c'est le jingle de changement? Je sais pas, moi celui-là je l'adore. Il y a eu panique, il a appelé sur quelque chose. Il n'y a que celui-ci en fait. Puis à un moment peut-être je vais me tromper, j'ai lancé le générique de votre émission, c'est très possible. Ah, je sais. Il y avait une classe où il n'y avait que deux élèves, ils ont voulu la fermer. On va finir par y arriver. Ils ont voulu mettre des costumes, des uniformes aux enfants. Non. Ils ont voulu séparer les filles et les garçons. Non. Ils ont voulu mettre les filles avec les garçons. Il n'y a pas de temps, vous n'êtes pas obligé de. Non, mais on est chaud là, moi ça y est. On peut poser des questions. Vous pouvez poser des questions parce que j'ai commencé très large exprès. Tu vois. Donc là, c'est école, hein, c'est ça? École. C'est dans une école. Est-ce que c'est lié aux enfants ou est-ce que c'est lié à l'infrastructure de l'école? C'est lié aux enfants. Ok, c'est la primaire? La cantine? Alors, je sais pas si c'est une primaire. En tout cas, ce sont de jeunes enfants. D'accord. Est-ce que c'est des sales petits connards? Non. Est-ce qu'ils avaient des bactéries plus que les chiens? Non, parce qu'ils n'ont pas encore de barbe à cet âge-là. C'est ça. Est-ce qu'il y a une histoire de nourriture? Bien vu, Sarah. Maline, détective. Ce n'est pas une histoire de nourriture. Une histoire de jeu? Pratiquer un peu le jeu du foulard. Non. Est-ce que c'est plutôt les enfants qui se sont plaints ou les parents qui se sont plaints? Ce sont les parents. D'accord. C'est par rapport à une activité qu'on a fait faire aux enfants? Pas de portable? Pas une activité faite aux enfants. Est-ce que ils faites aux enfants? Est-ce que ces gens rien n'a été fait aux enfants? Les enfants sont revenus à la maison avec un vocabulaire ou un comportement pas joli? Alors non, mais ça pourrait. Est-ce que c'est le port de téléphone portable par leurs enfants dans le collège, dans l'école? Non, c'est pas le portable. Est-ce que c'est lié au langage? Ça pourrait. Est-ce que c'est lié à un professeur? Non, c'est oui, pas. Oui, c'est pas un prof qui a fait quelque chose, genre il leur a montré un film. Non, il s'est passé quelque chose. D'accord. Et les gens étaient plutôt contre des choses, mais pas dans l'école. Ah. Mais pas loin de l'école. Et du coup, les gens font oh, dis donc. Ouais. Un concert? Non, pas un concert. D'accord. Genre, il y avait un dealer dehors en dehors de l'école. Parce que non, ça, franchement, ça c'est horrible. Ça, c'est toutes les écoles. Ça arrive pour souvent moi, quand même. Hein. Pour moi, c'est tous les collèges. Et je pense qu'on peut passer un coup de gueule. C'est affreux les mecs qui font ça. Franchement, ne touchez pas à la poussière d'ange, Angel Dust. Franchement, c'est pas bien. Touchez pas à la drogue, ça m'énerve. Voilà. S'il y a des dealers qui nous écoutent, pas dans les écoles, les mecs. Voilà. Ouais, pas dans les écoles. Gardez ça. Et pour pas dans l'aine. La maison, tranquille. Et pas dans l'aine, ouais. Vendez pas, les mecs. Le vendez pas, les dealers. Est-ce que c'est un truc sanitaire? Genre un problème, il y a une centrale ou je sais pas quoi. Non. Est-ce que c'est lié à est-ce qu'il y a un individu extérieur où tout est vraiment entre les enfants et l'école? Non, c'est vraiment à l'extérieur de l'école, mais vu que c'est à proximité d'une école. Ah, je sais, c'est bon, je l'ai, j'en suis sûr. Il y a un kebab. Tu le dis, hein, tu fais attention. Ouais, mais là, cette fois, je suis sûr. En fait, il y a un mag. Je pense qu'il y a un kebab dégueulasse qui s'est construit à côté et les mômes ils allaient à côté ou un McDo. Il y a un truc qui s'est construit à côté de l'école et les parents ils étaient pas contents parce que les mômes. Non. Oh putain. Tout est vraiment faux. Il s'est passé, ils ont fait, les enfants ont fait quelque chose juste non, à côté de l'école. Non, les enfants ont rien fait. En tout cas, ils ont dit vu que c'est proche d'une école, c'est. Il faut pas le faire. Une salle de shoot? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui a ouvert près de l'école? Non. C'est un truc, c'est un événement qui a eu lieu près de l'école. Un festival? Pas un festival. Des gilets jaunes? Non, pas les chiffres. J'aime bien, ils vont blanc. Un événement créé par des humains. Fin... Créé par des humains. Ah, je l'ai. Il y a eu un porno qui a été tourné à côté. C'est exactement ça. Ah, bravo! Bien joué. Bon, y a fallu... depuis le début, c'était pour faire monter le système. Le petit village paisible de Guise dans l'Aisne a été chamboulé par un fait divers. Bon, calmos, hein. Inhabituel ces derniers jours. Le site pornographique Jackie et Michel a décidé de tourner une scène sans autorisation de tournage. Dans la séquence, on peut distinguer des cris d'enfants, ce qui se justifie par le fait que la vidéo a été tournée à côté d'une école. Le maire de Guise a réagi fermement à la nouvelle et a décidé de porter plainte. Est-ce qu'on a des infos, voir qui a busté le truc? C'est un parent d'élève. Je suis désolé, mais là, je regardais Jackie et Michel, j'ai vu l'école de mon fils, non? J'ai reconnu le petit Bruno. J'ai été averti par les habitants. J'aime bien le maire qui dit c'est les habitants qui m'ont dit, c'est pas moi. Hein. Moi, c'était anonyme. C'était anonyme. En plus, on entend que le tournage a été fait pas loin d'une école où il y avait un centre de loisirs. On entend les enfants jouer avec les images de la ville soient retirées de leur site. Ils n'ont demandé aucune autorisation de tournage. Voilà. Il était énervé. Est-ce que Jackie et Michel a déjà demandé une autorisation de tournage? Oui, si les enfants n'ont pas vu. Est-ce que quelqu'un a déjà maté Jackie et Michel en fait? Bah, faut savoir ce que c'est quand même. C'est de la culture quoi. Non, mais pour la culture. Mais... Tout le monde ils en parlent à la télé. Moi, je voulais voir ce que c'était. Non, c'est vraiment horrible, Jackie et Michel. Ouais, c'est un enfer. Et même dans la production, ils ont un peu des casseroles au cul. Ils sont horribles avec les actrices. Enfin, c'est pas ouf. Ah non, je crois qu'ils sont réglo avec les actrices. Sans vouloir diffamer, bien sûr. Elles disent merci à chaque fois donc. Une étude a été faite. Ils ont trouvé quelle était la chanson qui procurait le plus de plaisir en voiture. Ça y est. Daddy DJ? Non. C'est pas Don't Stop Me Now? Non. Bah si. Ouais, ça pourrait. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Moi je vous dis. Moi je vous dis, c'est exclusive coupé de Myron. Tapez ça, montez dans la bagnole, vous allez cartonner des gens. T'adores les caisses, toi. Tu t'arrêtes pas. Ah ouais. Attends, alors, en bagnole, c'est Duran, sûrement. C'est une enquête d'où tu sais, enfin. Wake me up before you go. Alors, c'est une enquête qui a été réalisée par Seat, toi qui adores les bagnoles, t'adores. Bah ouais, Seat, constructeur espagnol. Mais c'est là, en train de se ramasser. Là, automobile. Non, mais évidemment, c'est en Angleterre. C'est Accelerera. Non, c'est en Angleterre. Année 80. C'est en Angleterre, d'accord. Phil Collins, Studio. Année 80. Je crois que c'est un peu avant 80. Mais un peu avant 80. Pas certain. Déjà, le titre, là, est d'avant 80. Ouais, apparemment. Moi, passé les années 98, j'ai plus rien. Mais t'étais sur une piste, Adrien. Sans vouloir trop pendu. Sur une piste. Tu l'étais. Ah, c'est Queen. Ouais. Ah, Bohemian Rhapsody. Don't Stop Me Now. C'est Bohemian Rhapsody. Et en deux, il y en a un deuxième. Don't Stop Me Now. Non, sinon j'aurais dit oui quand il l'a dit tout à l'heure. Ah, non, mais moi je suis pas du tout d'accord. Enfin, ça dépend de ta bagnole. Non, mais, par exemple, pour une Ford Focus, par exemple, on partirait sur quelle chanson? Non, mais c'est tellement par rapport à Wayne's World. Sur Crazy Frog. En vrai, non. Si t'as pas vu Wayne's World, t'as pas la ref et c'est pas la chanson qui prend plus d'euros en voiture. Bon, n'importe quoi. Écoute, si t'es là pour foutre la merde, pardon. En plus, et si t'écoutes du rap, t'as pas du tout envie d'écouter Queen, franchement. Donc ça marche pas. Moi, je suis pas forcément. Attends, moi, je veux savoir la première. Non, non. C'est ça la première. La première, il y en a une deuxième qui va avec. Mais ce qui est pas c'est PNL qui est de Queen aussi. Ah bon? Oh bah ils sont pas très originaux les gens. Ah c'est les Anglais hein, ils sont très chauds. We are the champions. We will rock you. We will rock you. Non, we are the champions. Pas we are the champions. You're my best friend. Non, il faut bicycle. Hein? Ride my bicycle. Non, pas bicycle. Kind of magic? Non. Bite the dust. Bon, une autre chanson de Queen. Attends, j'ai dit qu'il y avait Queen, j'ai pas dit que c'était une chanson de Queen. Ah, Under Pressure. Non. C'est qu'il, peut-être qu'il y a Queen dans la chanson, mais que c'est pas une chanson du groupe Queen. Dancing Queen. Bien joué. Oh là là. Bravo. Oh là là. Mais ça, c'est vrai. Hein. J'ai mis un petit. Est-ce que tu notes les points? Pas du tout. Non, en fait, c'est gratos. On peut gagner, mais on gagne pas. Ça va, ça va. Parce que c'est vrai que Greg, il a claqué le truc du porno là. C'était plus surprenant et il n'y a pas de point quoi. Énorme port. Alors ça, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Mais ça, c'est un 4 à la suite, ça fait déjà 4 alors. Tout ce que je peux t'offrir. Il y a un Français qui a gagné très récemment une compétition. Une compétition, laquelle était-elle selon vous? Alors. International? International. C'est en sport? C'est une activité à la con. Ouais, voilà plutôt. Ouais. Mais c'est mondial, c'est genre, ça vient du Guinness. Il a tartiné des, dans le monde entier. Des biscottes. Non, il n'a Guinness pas tartiné Book des biscottes. Est-ce que ça s'est passé sur le sol français? Ça ne s'est pas passé sur le sol français. Vas-y. Est-ce que c'est un peu sportif? Très peu. Est-ce que c'est un rapport avec la bouffe? Pas du tout. Est-ce que c'est resté le plus longtemps possible dans un sauna? Pas du tout. Parce que j'ai vu une émission là-dessus horrible où il y a un mec qui est mort tellement il est resté longtemps. Mais oui, c'était dedans, les compétitions. Mais ils ont arrêté. Il était brûlé du coup. Au troisième degré. Ils l'ont laissé une fois qu'il était mort. Il y est encore. Il y est encore. Deux ans. C'est une histoire de mental après. C'est pas une histoire de gainage. Non. Non, j'ai vu. T'as dit que c'était pas en France. Donc c'est quoi ça, pardon? Un mec qui est resté 8 heures en position de gainage sur les avant-bras. Il est pas français, je crois. Il est mort. Non, il a juste battu le record. Putain. Il a battu ce record aux États-Unis? Non, pas aux États-Unis. En Europe? En Europe. Okay. Est-ce que ça a un rapport avec les jeux vidéo? Ouais, Europe. Hein? Jeux vidéo? Non. Est-ce que ça implique un aliment ou une boisson? Pas du tout. Est-ce que ça demande d'être plusieurs? Non. En tout cas, ce n'est pas un twister. Ça demande d'être nu et plus. Je l'ai. La deuxième question, c'est est-ce un twister? Pas du tout. Il est resté sur une balançoire? Non, rien à voir. Putain. T'es un malade. J'ai vu ça hier. Ah oui. Est-ce que c'est facile de faire une compétition d'un truc comme ça ou c'est que ça demande quand même un peu de se lancer, c'est facile. Après, d'être le numéro 1 au monde, c'est plus difficile. Est-ce que malgré le fait qu'il a gagné, c'est un putain de loser? Je laisse les gens juger. Moi, je peux pas. Alors, est-ce que ça veut dire oui? Il a besoin d'un accessoire pour le faire? Oui, d'un bon nombre d'accessoires. D'accord. D'un bon nombre. Jonglé avec beaucoup de trucs. Non. Et c'est un circassien. Est-ce que ça implique le BDSM? Non, très peu. Attends, est-ce que c'est un record qu'il a établi? Franchement, j'en ai aucune idée. C'est pas sexuel en tout cas. Est-ce que tu sais ce que c'est toi? Parce que ouais. Bah, attends, il faut qu'on trouve. Juste là, je suis sur le bon coin en même temps. Est-ce que cette activité de base requiert beaucoup d'accessoires? Ou alors c'est lui dans son utilisation? Le mot accessoire me perturbe, mais en tout cas il y a besoin de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un véhicule qui est impliqué? Non. Est-ce qu'il y a du mécanisme? En tout cas c'est plus de la concentration. C'est les dominos. Non, mais je pensais à jongler avec des tronçonneuses. Mais par exemple tu es plus près, c'est moins sport, c'est plus un truc de domino qu'un truc sportif. Okay. Il a fait un truc en allumette. Non. Ouais. Ah, il tient en équilibre sur le plus d'objets possible. Non. Est-ce que mais ça implique vous chauffer? Est-ce que ça implique son corps ou est-ce que c'est genre il a créé quelque chose avec ses mains? Jenga. Non, mais ça n'implique pas son corps. Est-ce mais qu'il vraiment, fait cadeau? Est-ce qu'il fait tenir en équilibre sur son nez un maximum d'objets superposés? Encore une fois, ça n'implique pas son corps. C'est le plus grand camarade du monde. Ça n'implique pas son corps. C'est un Dimitri. Oui, enfin en tout cas, lui, son corps n'est pas en équilibre. D'accord, oui. Donc oui. Il a construit quelque chose. Il est dématérialisé. Ah, c'est un truc construit. Il a construit des trucs avec des petits objets, quoi. C'est un truc avec de l'équilibre. Ok. Des cartes, des châteaux de cartes? Non. Des gobelets? Non plus. Château de Château de Vincennes. Château de la Loire. Non. Château de sable. Que... Non, mais pourquoi château d'ailleurs? Avec des Legos? Non. Truc en équilibre. Des œufs en équilibre. Est-ce que c'est une pyramide de quelque chose? C'est pas vraiment une pyramide. Mais coupe de champagne. Est-ce que les accessoires, c'est tous les mêmes? Oui. D'accord. Est-ce qu'il a fait un sans monument? Sans vouloir faire d'amalgame, les accessoires, c'est tous les mêmes. Est-ce qu'il a fait un monument? Non. Il a empilé des trucs. Ouais. Voilà. Bah, c'est les piles ou quoi de des bref, pièces. Hein. C'est un easter egg, ça. Il a empilé des mobilhomes. Non, pas du tout. Est-ce que c'est des caplas? Non. Est-ce que c'est des lampes? Non. Attends, si c'est pas du Jenga, si c'est pas des caplas, mais c'est pas des Lego. C'est très basique, hein. C'est très basique. Des pièces de monnaie. Non. Des blocos. C'est non. Faux Lego. Non. Est-ce qu'il a empilé des objets qui des sont tongs. Qui non. sont destinés à être empilés ou est-ce qu'il a détourné des objets c'est pour pas vraiment des objets? C'est pas vraiment des objets. Des animaux? Des gens? Vous étiez pas loin avec des allumettes, avec des trucs comme ça. Bah c'est un objet l'allumette. Oui, des briquets. Il me stresse ce jeu là. Des cigarettes. Le Pierre Bénichou. Non. Il a empilé des meubles. Non, mais des mugs. C'est des fils. J'ai fait une rêve très pointue. Très geek. Ah bah, je l'aurais pas alors. J'ai dit que ce n'est pas un aliment sauf s'il s'agit de fréco-dingue du groupe. Des pierres. C'est ça, exactement. Il a empilé des pierres. Bravo, hein. Des cailloux. Putain, mais j'y ai pensé. Alors là, mais c'est mais juste ah, mais c'est alors là c'est beaucoup de cailloux. C'est vraiment insolite. Ah bah. Non, mais alors, là on dépasse le fait divers là, c'est Non mais il a j'ai pas menti. J'ai pas menti. Non mais c'est pas les trucs qu'on voit au bord de la plage des fois, les mecs empilent les pierres. En fait, il a fait ça en Écosse. Mais pauvre débile. Comment? Non, je l'en supplie. Oui, oui. Non, en fait, c'est en France, putain, on est en les France. Les compétences requises sont la patience, la concentration, l'amour de la nature et le refus d'être malheureux. Ce qui veut dire que vraiment, ouais, il doit être très déprimé, ouais, dans sa vie. Lui, j'espère pour lui qu'on va bientôt créer l'oasis. Hein. Et référence. Hein. Non, je refuse d'être malheureux. Laissez-moi empiler des pierres. Ouais, bon, ok, si tu veux. C'est extrêmement triste. Ça fait plaisir. Les amis, je vais passer à la deuxième partie de ce podcast. Ouais, j'ai vraiment que celui-là. Mais ça marche, hein. Soprano, le rappeur Soprano. Sopra, qu'est-ce qu'il y a là, bien cousin? Sopra, Baba, hein, pour ceux qui s'entendent le mieux avec lui, a sorti une chanson récemment qui s'appelle Fragile. Cette chanson Fragile parle de ce qui peut se passer à l'école et je vais vous citer ce qu'il a dit en gros, puisqu'il dit on vit l'époque du virtuel, des tutos pour du rimmel. Snapchat, Snapchat, dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée, c'est être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Elle éteint son portable et commet l'irréparable. Car pour elle, c'est insupportable. Ça rime avec portable. Attends. Sopra Baba a donc parlé du fait de se faire emmerder à l'école, du harcèlement scolaire via une chanson qui s'appelle J'ai pas compris par contre le rapport entre Parce que j'arrive au thème, Adrien. Non. Le rapport entre le harcèlement et les paroles, en fait, là. Et Snapchat. Non, mais oui, à part rimmel, Snapchat. Un tuto pour du rimmel, machin. Et puis la suicide, en fait. Lui casse pas tout son truc. Non, mais en fait, effectivement, c'est pour ça que je citais cette chanson, c'est qu'elle passe assez vite. Oui, ce qu'il précise pas dans sa chanson, c'est qu'elle est déjà un peu fragile, la gamine, parce que c'est vrai qu'elle passe vite à l'acte. Hein. Non, mais après, il dit au début qu'elle est quand même timide, fragile, introvertie et un peu naïve. Voilà. Même une sale conne à la fin du premier refrain. Askip, c'est elle qui a cherché. Askip, elle ira empiler des pierres en Écosse plus tard pour éviter la tristesse quand même. En gros, donc voilà, il parle de ça parce que je me suis dit, voilà, j'accueille les gens de 2 heures de perdu, même s'ils font pas que ça, ils parlent quand même. Mais c'est quoi cette association d'idées de merde, ouais, où genre on provoque des suicides chez les filles? Toi, j'arrive, non, mais... Parce que j'ai eu Guillaume Canet et Gilles Lelouch au téléphone et ils ont détesté votre épisode. Non, mais je cherchais une entrée en matière. Qui est pas dingue, hein. C'est bon, t'es pas obligé de juger. Bah vas-y, remets les scratchs là, moi j'aimais mieux ça. Il se moque de toi. L'explosion, elle est vraiment balle. Voilà. Donc non, je disais, effectivement, tout le monde se casse de la table, c'est une catastrophe. Ouais, bah non, mais dès qu'il faut assumer, il n'y a plus personne. Bah, les filles, allez-y, je vais m'en occuper. Non, on préfère rester pour. Ouais, restez, contrôlez-moi. Ouais, exactement, parce que, pour sauver les matchs. Moi, je suis à une ou deux conneries près. Non, mais effectivement, il y a un peu ce truc d'utiliser la moquerie pour rire. Est-ce que je comprends, hein, ce que je comprends complètement. La moquerie gentille. Mais justement, je me suis dit que c'était quand même un sujet intéressant de parler de ça, puisque maintenant c'est un sujet qui revient vraiment sur le centre de la table. C'est vrai que moi, je sais que quand j'étais petit, on parlait pas, moi, de harcèlement à l'école ou de trucs aussi vénères. Oui, ce qui n'empêchait pas que ça existait quand même déjà. Mais ça existait. Moi, j'harcelais. Il n'y avait pas Snapchat, mais j'harcelais beaucoup. Hein. Non, mais effectivement. Et donc, du coup, je voulais attaquer plus grand parce qu'on n'est pas une émission de société. La preuve, je vais lancer ce son. ça marche pas... toujours. Hein. Mais, moi, je vais peut-être mettre des jingles pour Greg parce que ça a vraiment un bon effet sur toi. Ah non, mais là, c'est du génie, quoi. Le mec qui. Attends. On parle, le mec il balance un prout quoi! Non mais là c'est. Non, mais là, t'as c'est pas bon. Chasse d'eau? Je voulais... Non, j'ai pas. Ça c'est bon aussi ça! Ça c'est bon aussi ça! Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pas parler de harcèlement précisément, mais de fonctions de pensée qui peuvent se amener à se moquer. Et on sait très bien que le summum, enfin quand tu vas trop loin dans la moquerie, ouais, c'est du harcèlement. Voilà, j'ai tout mis. À fait. Je suis passé par de très grands détours, ouais, à savoir c'était... Soprano, mais je voulais y venir. Moi je voulais savoir, est-ce que déjà vous avez en vous, au fond de votre cœur, est-ce que vous étiez plutôt team? On se moque des gens, mais je parle pas de harceler, je parle de se moquer au collège, au lycée, pour être un peu populaire, ou dans l'autre team, à savoir on se prend des vannes dans la gueule. Et je vais commencer par Sarah. J'essaie de faire comme toi. Non, mais tu l'as eu, c'est un la bémol assez haut. J'entendrai quelques-uns. Alors moi, très clairement, sans vouloir remuer des souvenirs douloureux, ouais, même si ce thème va en remuer, je pense, pour chacun d'entre nous. J'ai le bruitage paix qui peut s'en faire à tout moment. Tu me dis. Non, moi, j'étais très clairement dans la team, en tout cas au collège, parce que le collège, je trouve que c'est le pirage pour les enfants. T'es vraiment, globalement, on est tous des petits cons. Et moi, j'étais vraiment dans la putain de team, la grosse intello. Et donc, je n'aimais pas ça, moi. Tu vas voir. Et donc voilà, j'étais très bonne élève, j'étais très sage. Et aujourd'hui, elle est au chômage. Qu'est-ce que c'est que cette société ? Comme quoi, ça sert à rien d'être fort en classe. On a voté Macron pour rien. Genre, tu vois, je suis arrivée en 6e et j'avais pas compris que bah, t'arrives en 6e, faut avoir un ISPAC. Je suis arrivée en 6e. Oh, attends, je suis arrivée en 6e. Comment tu dis ? Tu dis comment ? ISPAC ? Oh, la grosse nulle, c'est le truc. Vas-y, vas-y, coupe son micro, n'importe quoi. Tu sors de 2 heures de perdu, t'en fais plus jamais avec nous, c'est fini. Elle ne l'avait jamais dit ça. J'avais un cartable à fuma et. La honte. Et ça, ça va pas du tout. Donc, déjà, t'avais pas un tans. Je ne dis pas que je ne me suis jamais moquée de ma vie, c'est faux. Mais quand j'étais petite, en tout cas au collège, j'étais plutôt dans la team on se moque de moi que je me moque. Après, je me moquais des autres que je trouvais bêtes, etc. Mais c'était plus un réflexe. Je pense que tu leur faisais pas de mal. Mais je pense que voilà, enfin, ça les a pas traumatisés. Ils rentraient pas le soir chez eux en disant oh, Sarah, elle s'est moquée de moi, c'est horrible. Elle a dit bah, on a pas besoin d'un ISPAC pour être heureux. Cassé. Pour être cul. En plus, moi, c'est vrai, alors je connais pas vos âges respectifs, mais moi j'étais vraiment dans la génération cassée. Ah, oui, cassée. Brise de Nice qui est sorti, nous a fait beaucoup de mal, Brise de Nice. D'ailleurs, j'ai un mini truc. Moi, c'est je me suis rappelé la dernière fois. Enfin, je l'avais jamais verbalisé dans mon cerveau. J'ai travaillé avec Jean Dujardin. Non, rien à voir. C'est très sympa. Le collège, ça dure vraiment 4 années. C'est très long. Extrêmement. Alors pour moi, ça a duré 6, mais. Exploit. Exploit. À minima, c'est 4 années. 7, parce qu'après, t'étais pion. Non, j'ai pas été pion, mais ça a vraiment duré 6 ans pour moi. Greg, d'ailleurs, justement, toi. Bah justement, en 6 ans, tu te rends compte, en 6 ans, le nombre de personnes que j'ai pu faire souffrir. Si déjà je redouble 2 fois au collège, c'est-à-dire que déjà il y a un problème. Ouais. Évidemment, moi j'étais team pas harceleur, j'ai jamais harcelé. Mais ce que disent les harceleurs. Non, je vous assure. Moi, j'ai effacé tous mes tweets. Non, mais disons, en 6e, je disais rien, j'étais pas très à l'aise. En 5e, je disais rien, j'étais pas très à l'aise. Il y avait les filles et tout ça, ça me faisait peur, quoi, tu vois. Bien sûr. Et là, j'ai redoublé et je me suis dit, bon, c'est bon, là, je m'en fous, maintenant, je dis ce que je veux. Et là, je pense qu'à ce moment-là, j'ai pu faire chier du monde. Ouais. J'ai pu faire chier du monde, notamment. Quel type, ouais. Notamment l'autre, là, celui-là qui avait les lunettes, là, au premier rang. Bien sûr. Il m'énervait. Les intellos, quoi. Les intellos, mais en plus, alors, c'était un intello qui se la racontait. Il s'appelait Pierre-Édouard ou Charles-Édouard. Il se l'a raconté vu qu'il a choisi son prénom déjà. Ouais. Attends, mais pourquoi tu choisis ça comme prénom ? Comme tous les intellos. Et donc je pense que je le faisais un peu chier, mais pour sa défense, il se laissait pas faire. Tu vois, il était quand même. Oh, tu t'en es pris une belle quoi. Attends, ça c'est la deuxième partie de l'histoire. J'essaie de la faire courte, mais donc je l'emmerdais et au bout d'un moment je me suis dit bon, c'est un peu trop facile d'emmerder Charles-Édouard parce que un, il a du répondant, quand même, il est un petit peu intelligent, peut-être que je peux. De temps en temps être sympa avec lui et de temps en temps le faire chier sans pour autant être complètement son pote. Un bon chaud froid, c'est bien pour maîtriser quelqu'un. C'est une méthode de pick-up artiste, ce que tu viens de décrire. Et après les gens trop faibles, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, je vais plus emmerder les gens trop faibles parce que c'est trop fastoche. T'as rejoint la rébellion. Et là, j'ai été attaquer les mecs qui étaient hyper balèzes, mais qui étaient en troisième, voire en seconde, parce que moi, il y avait collège-lycée dans mon truc. C'était un truc de bonne sœur. Ça, c'est vraiment un enfer de mélanger collège et lycée. Moi, j'avais ça, moi. Ah ouais, et donc, j'allais prendre les mecs qui étaient les plus balèzes, et je me suis dit, lui, je vais le faire chier à mourir et tout. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, bah, au bout d'un moment, un grand, il peut pas se laisser dominer par un mec de cinquième. Ouais. Même si visiblement il a son âge. Ouais. Même s'il a redoublé 2 fois. Et au bout d'un moment, je me prenais une méga trempe. D'accord. Mais une vraie trempe physique, quoi. Tu vois, le mec, je le faisais chier à bout. Tu le cherchais un peu. Ah, je le cherchais la merde. C'est un comportement autodestructeur. Classique. Complètement. Classique. Et pour la petite info, ça n'a pas vraiment changé. J'ai fait toujours ça dans les boîtes de nuit. Avec les vigiles. Moi, je confirme. Misance ultime. Je confirme. Je confirme aussi. Mais tu vois, c'est un compagnon de soirée très agréable, mais potentiellement dangereux. Mais tu peux vraiment te marrer parce que c'est vrai que Greg va souvent chercher des gens où tu te dis putain, on doit jamais les emmerder, eux, et ils terrorisent tout le monde. Non, Greg, il y va. Mais du coup, je fais plus chier les faibles parce que c'est trop facile et moi je suis un peu le Robin des Bois de la castagne. Hein, je préfère te le dire. Il y a un côté juste comme ici, ça. C'est comme ça qu'on t'appelle d'ailleurs. Les mecs les plus forts pour me prendre des roustes. Et ça, et c'est marrant parce que mais tu vois. Après, tu redistribues les roustes aux pauvres. Donc... Non, j'ai jamais mis une rouste à personne. C'est ça qui est dingue. Mais par contre, tu en as déjà pris. Bah, j'en ai pris plein. Pas trop la violence en plus. C'est assez. Et est-ce que tu repenses à ces roustes en te branlant? Est-ce que ça peut peut-être expliquer quelque chose? Parce que là, ouais, c'est. Non, arrête. Non, parle pas de ça. Pardon, excuse-moi. Ces podcasts, moi je peux en parler. Ouais, excuse-moi. Pardon. Non, mais ceci dit, c'est vrai. Vas-y, coupe-moi la parole. Non, on a tout oublié, c'est bon. Non, mais ceci dit, c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'on pourrait mettre ça sur le dos de l'alcool, d'aller faire chier des vigiles très très fort. Et non, ça m'arrivait déjà quand je buvais pas. Oui, c'est voilà. Ça, en fait, c'est, tu le relis à l'enfance, en fait. Mais c'est pas, ouais, du coup, c'est un peu hors sujet parce que c'est pas vraiment du harcèlement. Non, mais si, non, mais attends. Non, mais pas harcèlement, mais de la moquerie. Tu vas souvent, quand t'as un peu picolé, quand tu vas nuire, tu vas te moquer des gens d'abord. Tu vas pas aller chercher, genre, je veux me cogner. Tu vas aller chercher, genre, nanana. Le premier pas que tu vas vers eux, c'est tu te moques un peu d'eux, non? Je dis t'es con toi ou quoi? Ou ouais. Tu te fous de ma gueule? En général c'est ça le premier pas. Déjà tu es le héros d'un film de Michel Audiard visiblement. Non mais bah, moi j'ai une anecdote là-dessus, je me souviens. Attends, cette émission est montée. Donc sois rassuré, soit on va libre, tout va bien. Non mais c'est non mais c'est... pas avec l'enfant là, je raconte pas celle-là. Non mais c'est un truc qui s'appelle l'autodivertissement, c'est je me fais chier une soirée, je vais aller voir un mec qui a l'air bien con, bien relou et qui peut potentiellement me casser la gueule et je vais aller l'embêter un peu, mais l'embêter en mode je joue un peu avec lui. Et je me souviens d'un mec ultra baraque qui avait l'air vraiment con et Greg commence à faire alors c'est quoi une cigarette électronique? Vas-y, je peux tester et tout. Il l'a jeté au sol. Non mais en fait c'est juste hyper bizarre. Ah ouais, c'est quoi et tout, puis tu sais il commence à la garder et tout. Il fait attends, vas-y. Attends, je teste et tout. Mais c'est genre. Je fais ça moi. Mais je fais. Mais le mec peut nous casser la tête. C'est vraiment le truc du collège en plus. Fais voir tes écouteurs. Ils sont bien. C'était vraiment des écouteurs absurdes comme move. Mais c'était très très drôle. Après, je précise un truc aussi, c'est qu'au collège, je me suis fait beaucoup racketter. Par des lascars à la sortie du. Je me suis fait voler la montre de mon père que je mettais en douce. Déjà, tu mets une montre au collège? Ouais, je voulais me la. Bah, fallait bien que je domine les autres. Je me suis fait voler ma bagnole deux fois en trois ans. Et non, et je me suis fait beaucoup racketter et taper aussi. Voilà. Non, mais ça, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du tout. Ah, non, on explique. Les décousus, des états d'âme là. Juliana. Julie. Putain, je suis perdu. Alors moi, il se trouve qu'en 6e, je faisais partie de la bande qui arrivait de la bonne école primaire. Donc j'étais dans la team des populaires. D'accord. Et je kiffais pas du tout la façon dont ils se comportaient avec les non populaires. Du coup, j'ai switché de la 6e à la 5e, mais volontairement. Je suis passée... voilà. Sacrifice. Ouais, bah, sacrifice. Magnifique. À l'époque, je pense pas, mais c'est juste que ça collait pas du tout avec la façon dont j'étais élevée, je pense, à la maison, ce qui se passait. Et il y avait aussi une différence. Alors moi, c'était pas les ISPAC. Nous, il fallait avoir les Cortez à l'époque. Si t'avais pas de Cortez, t'étais vraiment le plouc du lycée. Ça a pas trop changé. Je suis un énorme plouc parce que je sais pas ce que c'est. Moi non plus. C'est des Nike. D'accord. Okay. Ah oui. Moi, j'avais des écrases-merde. Non, mais. Du skateboard. Nous, c'est comme moi, quand je sais pas si vous, c'était cette époque-là aussi. C'est que nous, au collège, il fallait mettre des balles. Non. Rien, c'est non. Non, non. Tu peux partir sur le nom direct. C'est... Toi, à l'époque, c'était cercle de bois et bâton. Quoi, ouais. Non, mais il y avait un code vestimentaire. T'étais un loser si tu faisais les lacets de tes chaussures. Fallait rentrer les lacets à l'intérieur, etc. Moi, ma mère, ça la rendait ouf quoi, le matin que je parte avec mes lacets pas faits. Et avec le recul, je me dis, c'est vraiment absurde comme mode. C'était complètement con. Ma mère avait la même avec le jean au niveau du cul. Ouais, on voit ton cul. Ça, oui, c'est vrai qu'on voyait ton cul. Ouais, c'est vrai. Et j'ai bien pris cher après, parce que j'étais vraiment, vraiment dans le côté, côté bon loser. Je me rappelle d'une photo de classe où il y avait un mec qui n'était pas du côté des losers, du coup, qui avait renommé tout le monde. Tout le monde avait son petit surnom. Et moi, j'avais deux meilleurs copines. Donc, il y en avait une, c'était la planche à pain. Forcément, elle était immense, elle n'avait pas de sein. Il y en avait une, c'était la daube. Et moi, j'étais... c'est pas mal, la daube. La daube, elle doit... J'ai bien sûr que ça nous fait rire encore. Moi, la daube, j'aimerais gratter un peu parce qu'elle doit se dire... Putain, autant planche à pain, ok, je vois pourquoi. Il doit être auteur, le mec qui a fait ça, parce que c'est vraiment marrant. Hein. La daube, elle doit se dire, mais pourquoi moi je suis la daube? Qu'est-ce qui dégage ça chez moi? Il y a zéro créativité, quoi, là. Bon, la daube. Et moi, j'étais le ton. Voilà. C'est mignon, un ton. C'est mignon. Franchement, c'est mieux que la daube. Ah, tu parles. C'est vraiment. C'était pas cool. Quand t'es une petite fille de 13 ans, c'est horrible. C'est clair. Non, c'était vraiment pas cool. Après, il était vraiment. Très très con ce mec, et aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce qu'il était auteur au Golden Moustache? Est-ce qu'il était beau et populaire? Il était plutôt mignon et assez populaire. Ouais, donc il savait de quoi il parlait en même temps. Quoi. Mais il était vraiment très con. Pour oui, bah souvent ça allait. Oui, ça c'était pas la peine de préciser. La daube. Non, mais outre les moqueries, il avait vraiment un niveau d'intelligence très bas. Ah, d'accord. Moi, c'est ce qui me rendait vraiment fou. C'est-à-dire que moi, je me faisais emmerder par un gars qui s'appelait Maxime. Et si tu m'entends, c'est Maximusca d'ailleurs. On dit bonjour. On le salue, moi je le trouve vachement sympa. Ouais, on il a fait un gros travail sur lui-même, on l'a vu, et maintenant il est cool. Donc Maxime, qui vraiment m'emmerdait, et en fait ce qui me rendait fou, c'est que il me venait et que je trouvais les vannes objectivement nulles. Et dans les autres, je fais, mais enfin, c'est nul. Et donc, tu essayais de leur dire, mais voyez bien que c'est pas drôle. Ouais, et que moi, je répondais, et franchement, des vannes un peu stylées. Hein, après, c'est mon métier. Des vannes d'auteur. Ouais, si tu lui disais, excuse-moi, mais ta blague est objectivement nulle, c'est sûr que ça marchait pas, quoi. Après... Non, et du coup, et en plus, ce qui m'énervait, c'est qu'il était très populaire et considéré comme beau. Alors qu'il avait des boutons plein la gueule, l'enfoiré. Et j'étais genre, non, mais là. C'est très injuste. Ouais, là, y a vraiment, je comprends pas. Et après, j'ai revu des photos de moi jeune, et oui, c'est vrai que c'est. Des choses quand même qui s'expliquent. Objectivement, rétrospectivement, je suis d'accord avec lui. Objectivement, les blagues étaient pas ouf, mais ma gueule était dégueulasse aussi, objectivement. Ah, voilà. Après. Oui. Toi, tu étais dans quel team? Ah bah bon, les cours de récré, vous savez, c'est manger ou être mangé. Donc... Ok, t'es horrible. Ok, non. Bien mangé quoi. Non, moi j'ai le concept simple, c'est que moi j'étais le deuxième plus nul. Enfin, c'était mon objectif, c'était jamais être dans le balai, dans la voiture balai, parce qu'elle prend tout, tu vois. Et du coup, je me démerdais toujours pour être avant-dernier, tu vois, mais jamais dernier. Et quant à cette position-là, bah t'es obligé, le mec quand il essaie de remonter à bord, t'es obligé de le faire tomber de la barque, parce que sinon c'est toi qui peux tomber. Regarde la porte, his pack. Et donc évidemment dans une classe t'as une tête de turc et je me débrouillais toujours pour pas que ce soit moi, et ça m'est arrivé effectivement moi d'avoir été dans la mouvance du groupe. Bah, moi après moi j'ai jamais ciblé vraiment une seule personne, parce que j'avais jamais la force physique de m'attaquer à une seule personne quelle qu'elle soit, mais moi bien sûr la politique de l'écrasement au collège, j'étais l'ombre de moi-même, et clairement ma seule porte de sortie c'était les mecs plus costauds, plus beaux gosses, plus machin, je vais les faire rigoler en espérant être le plus discret possible, et tout ce qui passe sur moi je vais essayer de le faire glisser sur le mec juste derrière, et c'est lui qui prend tout quoi. Ouais, sacrifié, il y avait vraiment les sacrifiés. Quand sur tu rentrais chez toi, t'allais le dans pauvre Antoine. Non, mais en plus, il y avait vraiment ce truc extrêmement injuste où même quand tu demandais des conseils à des gens plus vieux ou à tes parents, moi, je demandais une fois conseil à mes parents de qu'est-ce que je dois dire si on m'insulte. Et vraiment, après, j'ai dit bon, on va plus jamais écouter ces deux personnes hein, qui n'ont aucune idée. Mon père m'avait dit, si ils t'insultent, tu dis, je parle pas aux cons, ça les instruit. L'erreur. Donc, c'est Coluche, ça. Ça fait souffler. Il y a un gars qui dit, je parle pas aux cons, ça les instruit. Il fait, ferme ta gueule. Et tout le monde a fait, génial, Maxime. Et j'ai fait, cassé. Non, mais j'avoue, il était bon là, tu sais, Maxime. Ouais, il fait, ferme ta gueule. Bon, tu as raison. Okay, tu as raison. Voilà où on en est. Ma maman, elle me disait, parce que, comme je vous disais, je me confie ce soir, je me faisais beaucoup raqueter par des lascars à la sortie de l'école. Et maman me disait, j'ai dit maman, dis leur que je fais du karaté. Non, tu peux pas dire ça, tu te rends bien compte. J'avais rien fait du karaté. D'accord, bah tiens, je vais pas te voler ta tue. Bah, ils auraient peut-être eu pitié, mais t'en fais, bon, bah tiens, reprends ta gueule. T'as l'air d'avoir une vie horrible. Moi, je m'étais dit, moi aussi, il y avait un gars qui traînait autour du collège et qui nous faisait très peur et qui, en l'occurrence, vendait de la drogue. Et tournait des pornos en plus. Et tournait des pornos. Vendait de la drogue. Et je m'étais dit, le seul move que peut faire mon père pour que ça me fasse pas, c'est il en achète quoi. T'imagines ton rep, il achète de la drogue au gars qui traîne autour du collège. T'es ultra stylé, je pense. Ouais, peut-être. Ouais. T'as un truc un peu plus... penser à ça, ouais. Ah, mais mec, ma vie a été. Enfin, moi, le collège. Peut-être que t'as une assistante sociale qui arrive assez vite chez toi pour voir comment ça se passe aussi. Possible. Hein. Bah, c'est qui tout double, hein. Et à la rencontre par rapport, il fait je vais juste acheter du shit à l'entrée. Et vous, alors, prédateur? Ouais. Bah, moi, un peu comme toi, en fait. C'était un peu. Moi, je me souviens, je crois que je l'avais déjà raconté dans un podcast. Oh, écoute, c'était une rentrée où. Je m'assois et il y avait deux mecs, je pense qu'ils étaient un peu dans la team j'ai redoublé deux fois aussi, mais vraiment ils étaient immenses les deux quoi, vraiment ils étaient très très grands, en tout cas dans mon souvenir ils étaient beaucoup plus grands que moi et plus forts quoi, vraiment des mâles alpha quoi, et le mec il est derrière moi, il fait hey, bouffon, en parlant à moi et tout, donc je fais quoi, il fait retourne-toi vas-y bouffon et tout, donc je fais ok, premier jour horrible. Et moi je suis vraiment tout petit, tout rien quoi, avec une coupe au bol et tout. Oh non, c'est horrible. Et il met une claque derrière la tête, il fait bouffon, et il met des claques derrière la tête et tout, et il fallait écrire notre nom sur un papier. Donc j'écris mon nom et puis à un moment je vais chercher un truc où je vais au tableau, je sais pas quoi, je reviens, il y a marqué bouffon en dessous. Et il est resté sur bouffon en tout cas. C'est... Voilà, ouais, c'était son truc. Et il y avait son pote à côté qui était un peu son acolyte quoi, qui faisait rien mais qui se marrait, tu vois. Genre, c'est le pire, bien joué. C'est le pire mec. Voilà. Et ben, il s'avère que J'ai retourné la situation car. c'est toi le bouffon. Non, non, mais après. J'ai tué ses parents. Non, non, mais après, je me foutais de la gueule de son pote, l'acolyte, là. Et t'as du coup, pas peur qu'il te tape à ce moment-là, le grand? Et j'ai géré. Encore aujourd'hui, je sais plus comment s'est fait la transition, mais je me souviens qu'on en est arrivé où moi je me foutais de la gueule de l'autre, ça faisait marrer l'autre gars, et du coup, quand l'autre s'énervait, le mec lui disait ouais, vas-y, c'est bon, t'énerve pas, machin, etc. Et que j'étais un peu protégé par le connard qui allait me martyriser pendant un an, et qui avait un truc de, tu vois, pacte de non-agression, genre. Donc je m'en étais sorti en faisant des blagues. Je l'ai pas harcelé, le mec. Hein. Et vraiment, il était immense et il avait sa vie et machin. On l'a retrouvé là. C'est père de famille déjà. Mais il s'appelait Francis. Donc on le salue. Possiblement, il avait déjà des enfants parce qu'il était vieux. non, je dis pas que j'avais harcelé ce mec, mais il y avait un côté genre, je l'avais vanné lui et ça avait rétabli les choses. Voilà, ça avait rééquilibré les choses et je m'étais pas fait harceler moi. Ouais. Bravo. Mais en revanche, il y avait un mec, lui, c'était un peu le souffre-douleur. Et comme toi, t'es obligé. Antoine, j'avais été un peu dans la mouvance. Mais des fois en off, t'es tout seul avec lui et t'es sympa. Ouais, il y a un peu des chauds-froids. Et tu sais, en plus, il y a un truc horrible où t'es genre. Oh, c'est tellement dommage que je vais devoir me moquer de toi oui. Quand on sera plusieurs quoi. Enfin tu vois, il y a un peu un truc horrible quoi, de genre t'es pas ouais. t'es un bon gars quoi. Après là où c'est vrai que vous avez été malin, moi j'ai pas été maline, c'est que genre j'ai jamais essayé de retourner la tendance. Par exemple, je me rappelle une fois on était en cours de musique et genre je pense que toute la classe voulait la prof a dit c'est vous qui choisissez la musique qu'on va chanter et tout le monde je crois voulait This is la peste, je pète les plombs, je pète les plombs. Ah ouais, je et moi avec mes trois copines on était là non on voudrait Shania Twain man à fil la queue. Sarah, elle est en train de refaire le film, genre, oh là, j'étais horrible en fait. Je méritais tout ça. Et la prof, elle a dit, tant qu'il n'y a pas unanimité, et ben, s'il n'y a pas unanimité, c'est moi qui choisis. Oh là là. Et on a tenu bon jusqu'au bout et on a fait une chanson de merde choisie par la prof. C'était quoi? Ah, mais Sarah. Je me rappelle pas, c'était pas comme un enfant aux yeux de lumière. Ah merde, ouais, au moins tu chantes. Qui est assez lourd. Tu chantes pas. Bah, ouais. Et on est bien d'accord. Et Shania Twain, c'est un peu obscène pour des enfants, je suis désolé. Je voulais quand même dire que moi, le mec. Moi, j'ai appris du Booba personnellement en musique. Et, mais non. Non, non, le souffre-douleur, c'était donc une année. Hein, c'était pas, j'ai pas fait ça tous les ans. Enfin, et ce mec, plus tard, je lui avais envoyé un message pour lui présenter mes excuses. Ah oui, je me souviens. Ouais. Et à l'époque, qui a duré peu de temps, il y avait une fonctionnalité sur Facebook où tu pouvais payer 1 euro pour être sûr que la personne voit ton message et qu'il n'arrive pas dans la boîte de spam. Quoi. Donc j'avais payé 1 euro et le mec avait vu le message et ne m'avait pas répondu. Je pense qu'il m'en voulait encore et je comprends. Mais bon, voilà. Il a même pas dit t'as détruit ma vie, ni rien de tout ça. Non. Mais je savais en tout cas qu'il m'en voulait encore des années plus tard parce que plusieurs années plus tard, j'avais été animateur de centre de loisirs. Et une des animatrices m'avait dit « Ah, mon mec, c'est... » et c'était lui. Oh, et du coup, elle lui avait parlé de moi. Et quand je l'avais revu, elle m'a dit « Ouh, il n'était pas content quand je lui ai parlé de toi. » Il est venu. Moi, j'allais te rassurer sur le truc Facebook, mais non, là, c'est mort. Oui, non, non. C'est mort. Mais bon, au moins, attends, il a eu une meuf, il a réussi sa vie. Non, c'est un accomplissement social, si. Après, j'ai envoyé le message Facebook encore plus tard. Après, souvent, les gens, je trouve qu'ils sont un peu losers au collège ou au lycée, ils deviennent cool dans la vie, non? Il y a un peu une revanche sur la vie. Moi, je suis devenue trop cool. Oui, ils font des podcasts et ils deviennent les plus cool de France. Sarah, t'inquiète, on est toujours au fond. On peut s'auto-persuader autour de la table, mais ça ne change rien. Moi, je voudrais vous donner des nouvelles de la planche à pain et de la daube. La planche à pain, elle a fait Sciences Po, elle a un super poste, hyper haut placé, elle est devenue méga bonne. Ça refait les seins. Elle est magnifique. Et la daube, c'est Macron. Et la daube, elle est chirurgienne et elle est méga bonne aussi. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ces symboles de réussite? Mais c'est l'épanouissement personnel, c'est pas une réussite professionnelle ou de la beauté. Elles sont qu'est-ce que c'est que ces sociétés capitalistes? Elles sont mariées avec une famille et c'est dommage, il y a un petit. Ceci dit, elle bonne, c'est pas capitaliste. Il y a un petit. Moi, il attend. La planche à pain s'est faite draguer par des mecs qui l'a harcelé aussi. Ah, elle a pu se venger. Et ça, c'est la win. Moi, j'ai vraiment voulu faire ça aussi. Il y avait, enfin, bon, plus avec des meufs qui se foutaient de ma gueule où je m'étais dit, ah ouais, bah maintenant, je vais bien me venger. Et puis en fait, bon, je fais des sketchs sur Golden Moustache. En fait, il y a eu un truc. Ouais, vraiment. Sur quoi? Moi, je suis le scénariste et réalisateur de la vie sexuelle des jeux vidéo. Ouais, allez, casse-toi, barre-toi. Moi, ça m'est arrivé à Paris, à une soirée, j'avais fait dans un bar, et il y a une meuf qui m'avait reconnu du collège. Et ça, elle était dans le clan des meufs qui avaient un peu redoublé. Genre, c'est ce que moi je les appelais les femmes pirates. C'est genre, déjà, elles avaient toute une jambe de bois, un perroquet et tout. Scorbut, enfin. Et qu'un seul œil. Le cache-œil en cours de français, quoi. Non, non, mais tu sais, elles étaient un peu lascar wesh, un peu bonnes et un peu en perdition. Et clairement, elle me martyrisait. Alors, quand tu fais martyriser par la meuf qui a redoublé, c'est vraiment, vraiment relou. Mais c'était mon cas, on n'y échappait pas. On était là pour le coup, c'était les 5 voitures balèzes. Et je l'avais recroisée dans un bar et elle m'avait reconnue. Elle fait tiens, salut, tu te souviens pas, on était en 3e ensemble et tout. Et moi, je l'avais pas du tout reconnue. Et objectivement, elle était devenue pas ouf du tout. Et ça t'a fait plaisir. Ouais, j'étais là, je fais putain, je suis sûr que je pourrais. Et là, je vais clairement faire genre ouais, salut, je te parle même pas. Waouh! Et c'était. Ce jour-là, c'était la, c'était la plus belle revanche sur la vie que j'ai vécue. C'était un grand sachant moment. Que t'as rien fait. Et juste elle, elle s'est dit bon bah. En fait, qu'il est toujours aussi con l'autre. Se trouve, il y avait zéro moyen. La meuf, elle est retournée voir son pur que au fond du bar. Il y avait le loser du collège. Je sais pas, je lui ai parlé. Il a fait une espèce de vieux bon chelou. Il a fait du bon. Moi, je suis rentré me coucher les poings fermés. Ah, c'est trop eu. J'ai vraiment. Oh, je suis tellement passé à autre chose. Ouais, non, c'est vrai qu'à posteriori, elle est plutôt nulle cette histoire. Ah, ouf, j'avoue, pas terrible. J'ai lu un petit article de philosophie et qui expliquait pourquoi est si plaisant de casser les gens, de se moquer d'eux. Et bien, pour Martine Batt, professeur au laboratoire de psychologie qu'on appelait la daube hein, à l'époque. Et professeur de la chiasse, je précise. C'est un sentiment de jouissance de courte durée, un plaisir de se sentir supérieur. Cela soulage un instinct qu'on a tous de violence et de puissance. Car l'agresseur exerce non seulement du pouvoir et disqualifie l'autre à son dépens, il vient amoindrir l'autre. C'est cela qui lui apporte une jouissance, non seulement de se sentir supérieur, mais en plus de couper les pattes. Mais j'ai alors pour m'autociter, j'ai fait un sketch là-dessus qui s'appelle Victime Express. C'est vrai. Avec un mec qui loue ses services et qui dit si vous avez envie de vous moquer de quelqu'un, j'incarne cette personne et tout. Bah, c'est pas et mal ça. Ça c'est bien. Non mais c'était enfin j'étais content de l'avoir fait, c'est un des premiers que j'ai fait et surtout il y avait eu des commentaires de gens qui disaient que ça je vends mes services. Non mais qui disaient que ça leur avait fait du enfin en gros qui était un peu dans le qui ah, oui. On se moquait d'eux en gros, ouais. Et du coup ça faisait du bien. J'ai cru que c'était un vrai story. Moi, j'ai cherché et tout, je fais bon. Je me suis dit, merde, je... faut que je gère ce temps de latence. J'ai peu dormi, mais je contrôle normalement les sphincters encore. Non, qui disait que ça leur avait fait du bien, entre guillemets, quoi, et tout. Et donc ça m'a fait plaisir. Et je m'étais dit, bah voilà, je suis excusé d'avoir harcelé un mec. C'est suicidé. Devant Saint-Pierre, il fait bon, t'as harcelé un mec, mais bon, t'as fait un sketch qui était drôle, qui a rassuré les gens. Attendez, vous avez vu le nombre de vues ? À Skip, Francis. Francis, il a vu ton sketch, il a vraiment du culot ce mec. Quel connard. Non, ouais, Francis, je ne vais pas harceler Francis. Ah oui. Alors j'ai moi, harcelé personne d'ailleurs. Je voulais reprendre Soprano, ce qu'il disait au début et par rapport à la Ming. Sûrement que cette intro était servie. Il est un philosophe, tu reprends sur Soprano. Non, mais pour mettre en comparaison avec cet article, en exergue, je pense que ce qui est intéressant dans nos sociétés aujourd'hui, c'est que. Non, mais. Avant, comme disait Greg, pour se moquer, il fallait peut-être prendre un peu des risques. Aujourd'hui, tu peux te moquer sans prendre aucun risque. Ça, c'est terrible. Ah, tu avec ouvres les réseaux sociaux. Et oui, je ouvre le débat sur les réseaux sociaux. Pas exactement. Aujourd'hui, en fait, t'en as rien à foutre. Tu peux dire les pires saloperies du monde au monde entier et tu ne crains absolument rien après, à part faire sauter Twitter ou d'Insta. Quoi. Après, il y a des ou preuves. De ton métier. Oui. Ouais, ou de dans ton cas de la Ligue du LOL. Non, mais voilà. Après, c'est vrai que ça, ça te rend con, en fait, parce que tu crois que tu es intouchable, invincible, alors qu'en fait, bah. Ouais. Mais après, il y a ce truc aussi de. Enfin, moi, je suis pas prof et je sais pas comment ils gèrent ça maintenant, c'est aujourd'hui, dans les écoles. Oh, je suis le prof du rire, hein, moi. Objectivement. Bah alors, on est à l'école du rire. On est à l'école du rire. Regarde, encore un petit exemple. Voilà. Oh, les cons, ouais. C'est diggle, quoi. J'aime vraiment bien. Ça me rend vraiment heureux, c'est très bizarre. Ouais, non, il y a vraiment un truc de. Je me dis, les profs, comme je te dis, ils ont des preuves sur les téléphones, quoi. Enfin, moi, je me dis, si je vois qu'il y a une ambiance de merde, s'il y a un gamin qui dit machin, tu peux avoir le téléphone. Ouais, là, c'est comme ça qu'ils trouvent. Alors, c'est dans des gens beaucoup plus vieux et beaucoup plus horribles. Là, j'ai vu récemment un article sur des gens qui faisaient ça, je crois, dans je sais plus quelle école, qui se foutaient de la gueule que des noirs, je crois, ou que des rebeux de leur classe. Ouais, mais du coup, t'as le WhatsApp, donc t'as tous les messages. C'était au Texas, non ? Non, c'était vraiment à Paris. Et du coup, t'as vraiment toutes les preuves. Et je me demande si à l'école, c'est pas pareil, alors que moi, va prouver à un prof de il a dit ça sur moi. Et moi, je me souviens, les pions, quand je leur disais, bah oui, bah laisse couler. Ah, bah cool. Non, mais surtout, c'était des paroles. Même s'il le savait, même s'il le prouvait, c'était des paroles et c'était bon, bah oublie ce qu'il a dit, puis basta. Ouais, et puis il faut déjà, je pense, nous, à notre époque, le montrer. C'est-à-dire que souvent, t'oses pas trop dire. Enfin, moi, je racontais pas à ma maman. Maman, ils ont dit que j'étais une grosse intello. Je lui disais, maman, achète-moi un Nispack. Et en cinquième, elle m'a acheté un sac de noir trop moche. Et j'ai dû attendre la quatrième pour avoir mon Nispack. Est-ce que t'as écrit Nispack ou t'as collé un logo Nispack sur le sac? Est-ce que t'avais un Scott aussi? On va plonger un peu dans le pathos. On va redescendre encore d'un cran. Dis-moi, un petit jingle. Vas-y, je me sens. Non, c'est un truc qui s'est passé il y a 2 ans. Ma cousine, elle a 16 ou 17 ans. Et en fait, mon oncle, il a compris que c'était la souffre-douleur. D'accord. Mais il le savait pas, en fait. Et elle le disait pas. Et il me dit, mais tu peux rien faire. Non, c'est et elle peut rien faire. Et en plus, elle veut pas en parler parce qu'il y a un truc de. De honte. Il y a un truc de honte. Et qu'elle sait que personne pourra faire grand chose, malheureusement, je pense. Bah en fait, quand les parents s'impliquent, c'est pire. Ouais, souvent pire. Ouais, enfin, ils peuvent quand même acheter un Nispack, tu vois, à ce moment-là. je suis désolé, quoi. Non, mais tu vois, il n'y avait pas un truc de. C'était pas du harcèlement qui allait la pousser au suicide ou des trucs super hardcore comme tu peux voir dans des faits divers. C'était du harcèlement comme nous on a connu au collège, c'est-à-dire tout le monde se fout de ta gueule H24 et il t'arrive une crasse par jour. Quoi. Voilà. Après, la limite, elle est fine aussi. Enfin, je trouve que c'est ça qui est délicat et c'est justement. Je dis pas, du coup, c'est légal, non, c'est bien, etc. Il y a des bizutages, il y en a toujours eu. Je dis pas que tu dis ça non plus, je dis juste qu'en tant que parent, je pense que c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à faire la différence entre effectivement, c'est un truc quotidien et ma gamine, elle va arriver à encaisser et à quel moment j'interviens parce que ma gamine, en fait, elle va plus encaisser. En fait, c'est surtout. Les parents, ils prennent les. Enfin, tu vois, c'est comme les amours d'enfants ou les moqueries d'enfants. Souvent, les parents, ils vont prendre ça peut-être un peu plus à la légère en disant oh, c'est pas grave, il a dit que ton cartable était nul. Ça m'a beaucoup traumatisé cette histoire. C'est pas si grave que ça l'exemple que ton cartable soit nul. Mais en sérieux, c'était pas si grave. Non, mais en vrai, faudrait qu'on lui si achète grave. Un cartable. Non, c'est on va offrir un Patreon. Si vous donnez beaucoup, on offre le cartable de Sarah. Ouais, non, mais c'est pas grave, mais si c'est systématique et si c'est tous les jours et tout, c'est. Et après, tu sais pas le terrain psychologique de l'enfant. Exactement. Et puis, il y a des gens plus ou moins sensible et plus ou moins fragile pour reprendre Sopra Baba, bien sûr. Parce que pour reprendre Sopra, ce que je trouve vachement dur, c'est que nous, à notre époque, au moins, tu sais, déjà, il n'y avait pas les téléphones. Hein, quand tu rentrais chez toi, tu étais peinard, au moins, c'est-à-dire que tu te faisais harceler toute la journée, même si c'est moi qui harcelais. Mais après, je bien joué, mec. Après, Greg, il était là, il fait putain, je me fais chier chez moi. Et ouais. Seulement, on a inventé un truc pour continuer d'harceler. Je pouvais continuer à harceler. J'harcelais pas. Mais c'est vrai qu'au moins, tu es peinard, tu rentres chez toi, tu as souffert. France, elle est terminée jusqu'au. Sauf si ton père te mettait des roustes, hein, ça c'est une autre histoire. Mais il est super sérieux ce Floodcast. Mais non, on fait des blagues. Arrête. Oh, et oh, ça va. Eh, pète un coup. Tout blanc. Toto le pété. Le festival de son. Non, mais c'est vrai que à la limite, tu rentres chez toi, t'es peinard, tu te fais pas. En plus, il n'y a pas des photos, il n'y a pas des trucs qui tournent, ça c'est vachement. Alors, ça c'est horrible. Aujourd'hui, c'est l'enfer. Pour remettre un tout petit peu d'eau dans ton vin. Parce que, et là, je repars en pathos, mais pour quand j'étais... Tu vas apporter de l'eau à son moulin, plutôt, je pense. J'allais dire quoi ? Mettre de l'eau dans son vin. Non, j'allais mettre de l'eau dans son vin. D'accord. J'allais mettre du vin, juste. Donc tu vas atténuer ce qu'il dit. Je vais atténuer ce qu'il dit par rapport au fait que nous, à notre époque, on était tranquille. Ouais. Et moi, c'est pas pour faire dans le pathos, mais moi, il y avait aussi un truc vraiment où on me caillassait et on me crachait dessus au récré. Donc c'était vraiment assez vénère. Mais c'est horrible. Oui, après, je sais pas toi, mais il y en a qui méritent quand même. C'est vrai qu'il faut savoir. Mais moi, je suis pas venu pour écouter ces histoires-là. Non, mais. Il va montrer une photo de lui au collège. Je méritais, j'étais vraiment laid, vraiment. On plaisante. J'en ai parlé à mes parents, ils ont fait oui, mais regarde ta gueule. C'était en plus, on t'a pas pris des spikes. C'était un beau mini warning. Ouais, on déconne. C'est de la déconne. Le papa derrière, il rigole. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand t'es chez toi, tu somatises du lendemain en fait. Ça te quitte jamais vraiment l'esprit en fait. Et moi, j'avais ce truc que. T'as la boule au ventre quoi, tout le temps. Et il y a un espèce de truc aussi que moi j'avais au début du collège et je l'ai vu dans un petit projet que je suis en train d'écrire en ce moment. Voilà, je tease des petits projets en même temps. Non, mais en gros, il y avait ce truc où en plus, tu te fais emmerder à l'école, mais quand t'es chez toi, tes parents pensent que t'es une superstar. C'est-à-dire que moi, vu que j'étais un peu rigolo, mine de rien, mes parents me trouvaient drôle en tout cas. Et ben, ma mère, par exemple, était genre, non, mais toi, t'es tellement beau. Toi, tu vas ramener des filles à la maison. Toi, c'est fou que tu n'en aies toujours pas présenté. Sauf qu'en face, tu te fais cracher dessus dans les cours de récré. T'es extrêmement seul. Évidemment, les filles, tu n'y toucheras pas avant la fac. Et donc, du coup, il y a vraiment ce truc où. Bah ouais, t'as toujours cette pression de bon bah oui, je me fais défoncer. C'est ce qui t'a construit aussi. C'est, oui, on y viendra à la fin du podcast, effectivement, pour à ce moment-là mettre un peu de. Ah. Non, encore une fois, c'est de l'eau dans le vin. Pour après, parler. T'avais pas besoin des réseaux sociaux et des photos. La preuve en est, tu vois, avec cette photo de classe qui en fait était déjà, enfin, tu vois, ouais. Du papier, mais qui concrètement tournait avec tous les élèves. Enfin, ouais, même mais si t'es ça pas en train de bégère ou en train d'embrasser quelqu'un, quoi, tu vois. Ouais, ou t'es pas déjà des photos à l'époque. T'es pas à poil, quoi. Oui, non, mais c'est quand même amplifié fois un million avec les Skyblog. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est encore plus amplifié. C'est-à-dire que tu peux vraiment Moi, j'avais les Skyblog quand j'étais au collège. Moi, il n'y avait pas internet. Non, mais même juste les rumeurs. Il y avait des rumeurs qui couraient sur des mecs et des meufs qui étaient horribles. Et on ne savait pas si c'était faux. Toujours. Non, bien sûr. En plus, il y a cette couche, effectivement. Les réseaux sociaux, ça amplifie tout. Ça, c'est sûr. Mais mettons que tu fasses vraiment. Aujourd'hui, tu fasses vraiment une saloperie ou je sais pas. Et que ça soit pris en vidéo ou en photo. Et que ça tourne à mort. Ouais. Bah, franchement, t'es trop mal, ça s'arrête jamais, mais c'est encore pire. Encore t'es parti pire. Sur un accent que j'ai pas compris, mais c'est non, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc où est-ce qu'il est possible. En fait, je pense que c'est pareil. C'est comme nous, on avait peur de le dire à nos parents. Je pense que les gens ont peur de montrer les photos et les conversations à d'autres gens aussi, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et puis il y a un truc comme puis tu disais. Puis t'as honte de toi, honte. Enfin, tu te sens nulos et t'as pas envie de dire à tes parents, bah regarde, je suis nulos, quoi. Enfin, ouais, bah oui. Donc, mais t'as peur de te faire fâcher aussi, hein, par tes parents, d'avoir fait une connerie, d'avoir fait un machin. Enfin, c'est. Est-ce qu'on peut glisser vers une transition ? Dis-moi. En fait, je voulais faire un faire un parallèle avec la moquerie aujourd'hui en tant que telle, enfin à nos âges, c'est-à-dire qu'on la subit plus, ou si on la subit, c'est un, tu sais, ça peut être non, je sais même pas si aujourd'hui on est encore confronté nous à ça, sauf peut-être des commentaires YouTube à 2 francs, mais ça te. Ouais. Je pense qu'il y a un truc de confiance en toi où t'es un petit peu mieux. Enfin, je parle pour moi et les gens que je fréquente, j'ai l'impression que t'es peut-être un peu mieux dans tes baskets, donc t'en ris un peu plus. Enfin, nous avec Méniel, on se lance des trucs horribles, mais vu que c'est l'amitié et que tout va bien, oui, tu vois. C'est ça, ouais, c'est l'amitié. Ouais, c'est l'amitié. Après, bon, ouais, l'amitié, connard. Enfin, pas non, toi, hein. Toi, t'es pas notre ami. Oh, il s'est moqué. Décalage. Non, mais j'envoie des sons aux États-Unis hein, depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a un petit. Le son arrive des États-Unis, c'est pour ça qu'il y a un ping de ouf. Ouais. Tu vois, sur le truc des moqueries, ben en fait, nous on n'était pas. Enfin, plutôt, je vais parler pour moi. J'étais pas trop au fait. Des codes un peu je vais pas dire Twitter ou quoi, mais tu vois genre la manière de parler d'autres gens, et tu sais, tu te dis bon bah c'est un groupe de gens, donc en fait je vexe personne et je fais pas forcément des trucs sur les religions ou quoi, mais tu vois je fais une belle sortie de route dans Ready Player One tout au début, vous réécouterez, avec des asiatiques et que je confonds avec des chinois. Ouais. C'est moi, ça me fait rire de faire exprès de confondre, etc. Mais au début je le faisais pas pour de vrai mais avec un angle un peu différent. T'assumais le côté potentiellement un peu raciste, tu l'assumais parce que tu disais moi je le suis pas, donc je peux y aller. Oui, voilà. Et un jour c'était moi je le suis, donc je peux y aller. Et j'ai des revendications aussi, hein, on a tous le droit de s'exprimer, les tolérants. Et un jour on m'a dit et je l'avais pas accepté, c'est mais tu peux pas faire ça parce que tu vexes des gens en fait. Enfin, en gros. Ou tu blesses même. Tu blesses des gens. Et je dis mais non, mais je les vexe. Enfin, mais non, je les blesse pas. C'est. Et bah, rigole, hein. Et du coup, il y a ce truc où, moi j'ai appris, je parle personnel, à faire beaucoup plus d'efforts là-dessus. Et vous réécouterez les premiers 2 heures de perdu, c'est beaucoup plus. Pourquoi vous croyez qu'il a supprimé les premières saisons ? C'est la raison pour laquelle c'est disparu aussi, mais est beaucoup plus agressif. Ouais. Et on a beaucoup plus de liberté sur des sujets comme ça, où là aujourd'hui on fait un peu attention, et on le fait pas seulement parce que on va se faire striker sur Twitter ou ce genre de merde, mais aussi parce que dans le fond je pense que c'est t'as vrai. Pris conscience d'un truc, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Non, puis il y a un truc aussi où je pense qu'on la société évolue. Je sors des phrases un peu bateau comme ça, hein, vous pas, hein. De tout temps l'homme, tant que tu mets un prout ça va. Ouais. On est tous chocons d'un autre, hein, après, hein. Je parle pas aux cons, ça les instruit. Ma mère elle fait du karaté, ferme bien ta gueule, fils de pute. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un truc d'empathie où, même si le monde va dans un truc un peu dark, dans mon petit cercle perso, j'ai l'impression que les gens vont vers plus d'empathie, plus de comprendre l'autre. Tu vois, quand Adrien réécoutera ses vlogs horribles sur les misophones qu'il a fait en début d'émission dans 3 ans, non, mais tu vois, je trouve qu'on va sur le bon chemin. Il sera devenu misophone lui-même. Bien sûr. Non, mais tu vois, il y a ce truc aussi, je pense qu'effectivement, on apprend, en fait, tout simplement. Après, moi, je pense qu'en grandissant, il y a les deux côtés. Genre, on apprend à peut-être moins se moquer et à comprendre que se moquer, c'est la facilité. Mais on apprend aussi, comme tu disais, à mieux encaisser. Et moi, je sais, je rends hommage à une de mes copines d'enfance qui était pas forcément... Elle avait un peu un grand nez, etc. Et elle s'en prenait plein la gueule au collège. Mais vraiment, genre, c'est la meuf, on l'a arrêtée dans la rue, on lui disait « Toi, t'es moche et t'as un grand nez. Oh. » À 12 ans, c'est quand même la violence ultime. Ouais. Surtout en fait, quand c'est des parents d'élèves. Surtout quand c'est le prof. Et le prof d'SVT, donc ça, c'est les gamètes mâles, femelles. Toi, t'es immonde. Et t'as un grand nez. Voilà, ça, c'est l'arbre, les singes, voilà. Et là, il y a votre copine au grand nez, là. J'ai fait une branche. Christelle, je vais lui mettre des gifles, regardez. Elle a plus de bactéries dans le nez que dans les barbus, donc c'est pour vous dire. Non, mais et elle, enfin, en fait, genre, elle m'a appris de, un, de pas prendre ces genres de choses trop à cœur, et surtout, à se défendre, en fait. Ouais. Enfin, tu vois, elle répondait, et t'apprends aussi, en grandissant, un peu à te défendre et à répondre, quoi. Parce qu'elle disait, je parle pas aux cons, ça les instruit. Ouais. Ouais. Non, mais parce qu'il y a aussi ce truc. Non, oui, mais putain, elle avait 12 ans, et elle allait l'envoyer chier des mecs de 16 ans qui venaient l'emmerder. Quoi. Et ça, ça s'appelle la rage. Ouais, mais franchement, mais je le respecte vachement. Et moi, j'ai un peu appris à m'endurcir grâce à elle, vraiment. Ouais. Mm. Mais non, mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et j'emmerde tous les gens qui disaient que j'avais le cul comme la porte d'Aix quand j'étais au collège. Oh, c'est dans une chanson de Renaud, et mot pour mot. Ah, ça vient de là ? Ouais, c'est dans La Belle de Mai. Ouais, parce que je me disais, putain, c'est plutôt poétique comme formule pour des collégiens. Moi, j'aurais pas compris. T'as été à l'école avec des barman, visiblement. Il y avait Renaud plusieurs fois. Un nouvel éclairage total sur cette histoire. Finalement, c'était peut-être de la poésie. Et après, il dit, on va la retrouver à Montfavé, qui est l'hôpital psychiatrique que tu connais. Je dis aussi dans les conseils horribles que me disaient mes parents, même si je les aime de tout mon cœur. Mais il y avait aussi, genre, mais tu sais, s'ils se moquent de toi, c'est quelque part. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ou alors, quand c'est des filles, elles t'aiment bien. Non. C'est faux. C'est complètement faux. Ça, je confirme, mais ils le savent que c'est faux. Mais il faut bien qu'ils te rassurent, c'est tes parents, quoi. Bah, t'imagines, ta mère, elle te fait. Bah, c'est mort. Hein. Elle, tu la choperas jamais. Je crois que j'aurais préféré qu'on me dise. Enfin, j'aurais préféré. Ouais, c'est facile de refaire le film, mais il y avait un peu un truc de. C'est horrible. Deux heures de perdu. Non, mais c'est horrible, c'est dur, serre des dents, c'est 4 ans et voilà. Ouais. Bah, patiente. Tu peux pas bah, dire combien ça, de temps tu veux 4 pas dire ans, ça. 8 ans. Tu veux pas... Qu'un ado, il a tellement l'impression que c'est la fin de sa vie et tout est tellement dramatisé et important que tu peux pas lui dire serre les dents dans 4 ans, ça ira mieux. C'est vrai qu'en plus, je m'auto-contredis, puisque en fait, il y a vraiment un truc aussi où je me souviens. Paul disait oh, mais tu verras, t'en riras plus tard. Ce qui est un peu vrai là, on se confirme. Oui, ça a mis 10 ans quand même. Mais moi je serais curieux de les retrouver ces 10 connards qui ont passé des super enfances au collège, quoi. Parce qu'au final, ils sont pas beaucoup. Hein. Ouais, mais je pense que ces gars-là, ils ont pas non plus passé. En fait, je pense que. Ces gars-là, ils ont pas non plus passé des super enfances. En général, si c'est toi le bully qui bully tous les autres mômes, c'est que t'es pas très heureux, non. Ouais, c'est que ton père te frappe. Non, j'en sais rien. Tu rigoles, mais moi, il y avait ça. Je rigole pas déjà. Non, mais tu vois, si en général, j'ai acquiescé. Si je mets ça, par exemple. Là, je ris. Non, mais souvent, enfin, tu vois, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas. Faut pas être aussi manichéen dans la vie. En vrai de vrai, c'est Paradise Player One, la vie. Hein. Ouais. Moi, je me sais, on m'avait dit, tu sais, son père, il picole, il est violent, il est un peu bourré tout le temps. Et tu sais, toi, t'es là, genre. Très bien, mais ça ne change rien à mon problème. Je vais pas lui dire, genre, ça change rien au tien. Tu vas voir, je te comprends, Maxime, ton père est alcoolo. Et puis surtout, si tu lui dis ça, ton père te tape dessus. Je pense que ça se passe pas très bien avec Maxime. Il te défonce devant tout le monde. Non, mais ça, tu peux rien. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'il l'ait vécu forcément mieux que les autres. Oui, quoi, oui. Tu vois. Qu'ils ont plus une plus belle enfance. Moi, j'ai fait semblant d'aimer Kyo pour pas trop me faire défoncer. Oh putain. Pourtant, ça mérite. Moi, j'ai toujours détesté Kyo. Moi, ils étaient fans de Kyo. J'aimais bien Kyo. Et je faisais semblant d'être allé au concert. Ah ouais, le concert, j'y suis allé aussi. C'est chaud, vas-y. Moi j'adorais les L5 et je faisais pas semblant. Les L5 c'est bien. Sarah elle se lâche là, ça y est, elle ouvre les vannes quoi. Et j'avais un sac poche. Et on faisait des chorégraphies cachées dans la cour de récré, mais on avait quand même la présence d'esprit de se cacher pour inventer des chorégraphies sur les L5 parce qu'on savait que ça allait pas nous faire des copains. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis, il y a un truc dont on parle pas beaucoup, c'est qu'en fait dans l'adversité tu te soudes aussi avec tes potes, quoi. Enfin, y a vraiment un truc qui. Si t'as des potes, parce qu'il y a un des trucs. Ouais, pires. Non, mais là, avec tes copines des L5, moi, avec ma daube et ma planche à pain, on était pareil, vraiment, c'est une chanson de Renaud. Avec ma daube, ma planche à pain, on est allé. Et non, moi, j'étais le ton. Et on est allé à la Pendex. Mais il y a un vrai truc. Mais dans le Sud, ils sont carrément poètes. Hein. Bah, bah, les Marseillais en général, ils sont fins. Hein. Ils sont quoi? Ah, j'attaque les Marseillais en général. Beaucoup, oh, bah, je rêve. Non, mais c'est vrai qu'à Marseille, on un peu, ils sont un peu plus machos qu'à Paris, je pense. Attention. Vas-y, fini. Non, mais voilà, qu'en gros, c'était ça aussi, je pense, qui, enfin, en tout cas, moi, qui m'a sauvé entre guillemets, c'est qu'il y a un moment où, oui, en fait, tu, finalement, la moquerie, elle change de camp parce que tu. Enfin, t'es plusieurs pour te foutre de leur gueule à eux et il y a un truc, oui, qui se qui et puis un petit peu, moi il y avait un vrai truc, c'est que j'avais des très très bonnes amies, ah, en fait, ça, à part en troisième quand on s'est disputé là, c'était horrible. Ah non, c'était en seconde, horrible. À propos de ton ISPAC ou non, c'était autre chose en seconde, vraiment, j'ai ma meilleure amie a monté toutes mes autres copines contre moi, non, bref, je peux pas, triste, je vais pas aller trop loin, c'est trop horrible, mais va vraiment falloir beaucoup de paix là pour mais ce que je voulais dire, c'est que au collège, mais moi je suis dégoûté, j'apprends que vous êtes des losers, moi je m'étais dit, putain, avec le podcast, je passe à autre chose et tout, je suis avec des gens cool et tout, mais en fait, vous êtes genre la, vous êtes la ligue de l'humanité, attends, sérieux quoi. Il y avait des gens qui étaient encore plus des losers, c'est-à-dire que moi, j'avais des filles. Bon, bah, c'est bon alors. Il y avait des filles, elles étaient vraiment toutes seules, oh, et dont, en fait, mais je me sens encore mal à cette idée, en fait, il y avait une fille qui était vraiment seule, bah, et qui n'avait pas d'amis, et voilà. Et donc, on s'était dit, bon, on va un peu la prendre sous notre aile, nous, on est un peu les intellos rejetés, donc faut qu'on aide. Et en fait, au bout d'une semaine. C'est un grand club. Et nous, au bout d'une semaine, en fait, on l'a trouvé trop conne. Et on n'en pouvait plus. Et donc, on l'a rejeté aussi. Ah, yeah. C'est horrible. Quoi. Elle, elle a eu en plus ce qu'elle n'a pas eu avec ses harceleurs d'avant. Au moins, il y avait ce faux espoir qui n'était pas présent. Donc, t'as fait de la moquerie. Vous lui avez offert. Oh, ça, c'est cool. Bah, ça, la, on s'est pas moquerie, vraiment moqué, mais, ouais, mais tu vois, on la voulait pas comme amie. Quoi. On la trouvait pas. Non, voilà, mais c'est ça, vrai que. Ça ne matchait pas, quoi. Mais c'était horrible. En gros, dans tout. Pardon, Antoine, mais t'es tout petit. Ah oui, bah écoute, hein, ça, moi je me fais tout petit à cette table. Il a une chaise un peu petite, alors du coup. Voilà, il est un peu plus bas que nous. Je pense que t'as les 2-3 terreurs. T'as un ventre mou qui se met en sécurité. Ouais. T'as le club des losers qui, ouais, sont entre 2 et 5. Et t'as le souffre-douleur. Ouais. Et lui, il peut pas être dans le club, ouais, des, vrai, losers. Parce qu'à partir du moment où il vient, on sait que c'est un autre des losers qui va être élu. Il y a un vrai truc de t'as le choléra, quoi. Il y a un vrai truc de faut pas que tu sois avec nous parce que sinon d'un coup on devient la cible, nous tous. Tu vois, c'est ça. C'est ça que moi j'ai fait comme Adrien, pareil, j'en ai déjà parlé, de. J'ai trouvé entre grosses guillemets pire que moi, quoi. Je me suis dit, bon, bah, vu que ce mec là il se fait aussi un peu emmerder, bah, si, ouais, au moins, et c'était horrible parce que c'était un gars qui était vraiment gentil avec moi, mais je l'ai pas, ah oui, je l'ai pas retrouvé sur Facebook pour le coup. Mais bon, il a l'air d'aller, ça l'a vie. Bah, cherche, hein, il doit faire un podcast aujourd'hui. Mais je trouve ça un peu excuse-moi. Vas-y, non, t'inquiète. Flaubert, la merde. Je trouve ça un peu fastoche. Tu vois, de dire ouais, on était des victimes, hein, on s'en. Enfin, tous autant que vous êtes là, vous faites tous les victimes. Non, justement, moi je dis que justement pour m'en sortir, j'ai été horrible, comme disait Adrien, avec un gars pour m'en sortir. Ouais, mais tu vois, déjà, nous, parmi les cools, déjà, on s'est jamais rendu compte de votre monde là, tu vois. Nous, il y avait un sentiment d'égalité entre non, tous les cools. Par contre. Tous des merdes. Je plaisante. Par contre, nous, les cools, on se faisait taper. C'est ça, on se faisait taper par les très forts. Les attends, mecs mais moi les cools, ils se faisaient pas taper, hein, chez mais moi. Mais en fait, moi je pense que. C'est par les mecs Greg, de l'extérieur, je pense que t'es cool. Ouais, c'est ça. Pas cool, Greg, je veux pas détruire. Si, je suis cool. Je vous ai dit que j'étais cool. On était entre cool. Bon, bah on faisait des maths. échec et maths, bam, et ça c'est pas cool peut-être. J'étais au club vidéo avec tous les cools. Est-ce que t'as un bruit de bulle qui éclate? J'ai trouvé des conseils qui sont assez horribles, hein, pour comment se, quand, 5 techniques pour faire face aux intimidations et aux moqueries au collège et au lycée. Il faut essayer de développer un réseau d'alliés, donc c'est ce qu'on disait un, oui, petit peu, mais voilà. Ça c'est vrai, en vous focalisant sur les personnes qui vous cherchent ou vous ignorent, vous ne remarquez pas tous les autres. Or, vous avez la possibilité de créer votre propre bande en fédérant toutes les personnes qui se sentent rejetées. Club des losers. Création d'un podcast, c'est vraiment un par un, vous les gagnerez. Trouvez un thème, le cinéma ou la pop culture. Vous les gagnerez à votre cause et vous réaliserez peu à peu que ce sont des personnes nettement plus intéressantes, sensibles et originales que vous le croyez. Ou alors pas du tout, comme Sarah qui a vraiment rejeté cette pauvre femme. Qui l'a abandonnée. Je ne citerai même pas son prénom tellement j'ai encore honte. Mais si tu m'as dit c'était... C'est Estelle. Ses amis et alliés sont autant de points d'ancrage qui vous aideront à vous sentir moins seul. Et ces personnes seront bien plus fidèles en amitié. Elles seront vos meilleurs ambassadeurs. Bon, ça, c'est bon conseil pour bon le conseil. Coup. Pas de route, les personnes à pousser sous le bus. Au cas où. Il y en a un qui est un peu, je trouve, large, puisque c'est vaincre sa peur. Ça, ce genre de conseil, putain. Un camarade de classe. Devenez cool. Ouais. Voilà, débrouille-toi. Un camarade de classe se montre agressif. Envie de fuir, de s'isoler ou de riposter avec agressivité. Ce sont les 3 réflexes de défense que tout être humain développe sous l'emprise du stress. Pour dominer votre peur, efforcez-vous justement de faire ce que vous craignez habituellement. Les experts appellent cela les techniques d'exposition. Un exemple, au lieu de rester prostré dans votre coin de peur de subir les moqueries, essayez de paraître fort. Prenez l'initiative d'une discussion. Proposez à des camarades de vous joindre à leur groupe. Ces petits pas vous aideront à vous exposer et à vaincre votre peur. J'aimerais bien, tu sais, quand on te traite de bouffon. Non, écoute, discutons-en. Parce que d'abord, un bouffon, ce n'est pas forcément ridicule. Il peut être amusant aussi. Par exemple, le bouffon du roi à l'époque. C'était un des préférés du roi. Et là, tu prends juste un coup de couteau. Ah, tu m'as poignardé pendant que je parlais. Oui, oui. Non, mais pas. Les ménestrels étaient. Mais ça, c'est des très très mauvais conseils. Je crois que je l'ai déjà raconté il y a pas longtemps. Je suis désolé. Non, mais il y avait un mec. Ouais, je l'ai raconté. Mais pas dans ce podcast. Donc. Pas dans ce podcast. Dans un 2 heures de perdu, je sais plus lequel. Voilà, il y avait un mec qui me cherchait au collège et il me disait tous les soirs, il me disait, vas-y, je vais te péter la gueule. Déjà, c'était prévu. Hein, je vais te péter la gueule. Hein. Je vais péter la gueule à la fin des cours. On se retrouve à la gare. Je te pète la gueule. Au bout d'un moment, je flippais parce que c'était tous les soirs. Le mec, il était vraiment balèze, tu vois. Et je flippais. Au bout d'un moment, j'en ai parlé à mon rep. Je dis, écoute papa, comme tous les cools, hein, d'ailleurs, hein, comme tous les mecs très cool que tu es, tu... à part lui. Mais pourquoi il s'en prenait à moi? Parce que j'étais le mec le plus cool. Excuse-moi Greg, pardon. Il voulait devenir vizir calife à la place du calife. Je te facturerai quand même ce podcast de 70 euros, parce que là on avance quand même, moi je trouve. Bon, je la fais vite. Et donc je demande à mon père, je dis, bah, qu'est-ce que je fais, ce mec là il veut me casser la tête. Et je pense qu'il a voulu me pousser un petit peu, genre, vas-y, affronte tes peurs, vas-y, bah écoute, vas-y, va à la gare et bats-toi avec ce gars. Et donc je suis arrivé et le mec il m'a mis une droite, je suis tombé par terre, je suis tombé dans un espèce de coma, je me suis réveillé dans le camion des pompiers. Cool ou pas cool? Alors bon, ce conseil, oui, enfin, mais c'est, enfin, peut-être pas tout le temps, quoi. Après, ça te permet de rencontrer les pompiers. Et ça, c'est cool. J'imagine vraiment un film où le mec cool, c'est toi, et tu sais, c'est un quarterback, mais quand même, il se fait un peu tabasser. Mec, je te dis que j'étais un cool. Oui, non, pardon. En vrai, c'est un peu drôle. Enfin, dans un film, vraiment, c'est un peu marrant. Genre, ouais, vas-y. Et tu, vraiment, t'as la musique qui monte, tu sens, et bam, direct, il tombe. Cut, voiture des pompiers, c'est un peu marrant. Mais c'était un peu chaud, le mec s'est fait virer et tout, hein, forcément. Moi, il y avait un gars qui voulait aussi me péter la gueule, mais moi, c'était pathétique, et j'avais le recul pour savoir que c'était pathétique. En fait, c'était un mec pareil, pas à mon niveau, mais c'était un peu le gars pas cool de la bande des cools. C'est-à-dire que il le gardait, mais il se foutait de sa gueule, ça se voyait, c'était un peu le bras droit nul. Mais ouais, ça, c'est le pire. Horrible, horrible. Ça, c'est pire, parce qu'en plus, il est balèze. Le Joe Pesci, non, mais même pas. Non, ouais, mais c'est un peu l'esclave des cools, quoi. Donc, il croit un peu être cool quand même. C'est ça, mais alors en fait, il est utilisé, quoi. Tu vois, il va devoir faire ses preuves en plus. Tu le vois qu'il se fait moquer et tout. Et un jour, je réponds à ce gars-là, parce que lui, ce gars-là ne m'impressionne pas. Tu vois, je lui dis. Enfin, que les autres me vannent, ok, mais lui, je fais, mais toi, ta gueule, enfin, tu me fais pas peur. Toi et moi, on est du même sang. Ouais, c'est ça. Toi, t'as décidé d'être esclave. Ouais. Exactement. Mais moi, je suis dans la rébellion. Exactement. Et je lui dis, va te faire foutre. Un peu romantique, moi, j'étais ce mec-là, hein, donc je ferme bien ma gueule. Hein. Et donc, je lui dis, bah, va te faire foutre. T'as pas à me parler comme ça, je t'emmerde, quoi. Et donc, du coup, évidemment, tous les gars autour, ouh, Damien, tu vas pas te laisser faire parler comme ça. Et le mec, il dit, je vais te péter la gueule. Et tu sais quoi, demain, on se bat. Ce qui est déjà fou de le faire demain, tu vas dire. Oui, voilà, un peu sur le matin. Le lendemain, t'es plus énervé, tu fais, mais j'ai la flemme. Et vraiment, moi, je m'étais dit, mais non, parce que je ne sais pas me battre, je le sais. Je suis sûr à 99% que tu sais pas te battre. Donc, on va juste être un phénomène de foire nul pour tous les mecs cool. Et j'essayais de lui dire, je fais, mais mec, vraiment, ça va être nul. Je veux dire, je pense que tu vas. Elle est pas terrible ta stratégie en même temps. Non mais c'est ça, ça c'est fait peut-être trop intellectuel. Je sais pas quel âge vous aviez, mais j'avais 24 ans. Je sais pas. Golden moustache. Ouais, non mais c'était un truc où je disais vraiment ça va être nul pour tous les deux, quoi. Ça sert à rien. Et il disait non demain je vais te tabasser, tu vas voir, je vais te taper. Et donc le soir je me souviens m'être entraîné à faire des coups dans le vide. C'est trop mignon. De façon nulle. Et évidemment, ce n'est jamais arrivé, puisque je pense qu'il s'est dit, il a raison, vraiment, ça va être pathétique. De A à Z. Tout le monde va oublier. Mais c'est ça. Je pense qu'il s'est dit, s'il vient pas me chercher, je pars du principe qu'il a peur, et je dirais qu'il a peur, et on se battra pas. Il avait peur. Ce qui s'est passé. Il avait peur. Dans les autres techniques, il y a essayer la technique de la bête noire. Un camarade cherche à vous intimider. Essayez la technique de la bête noire. C'est tout. Non, réduisez. Alors là, c'est très bizarre. Réduisez mentalement la place, voire la taille de celui qui vous impressionne. Transformez de façon imaginaire en lilliputien. Il paraîtra moins menaçant. C'est imaginer la personne nue. Ouais. C'est le truc d'Harry Potter, là. Qui là, je sais pas puis quoi. Tu prends une droite et tu finis chez les pompiers. Quoi. j'avais fait ça, d'ailleurs, aussi. Autre technique. Attendez, moi, j'ai une feinte que j'utilise encore actuellement dans la vraie vie. C'est quand tu te fais engueuler et que tu dois juste fermer ta gueule et que c'est trop trop chiant. Moi je faisais ça quand vraiment je me faisais défoncer, et je fixe le nez de la personne et en fait c'est tellement proche des yeux que la personne a l'impression que je la regarde dans les yeux, mais du coup moi je me fais pas intimider par son regard parce que je fixe son nez et dans ma tête je fais je m'en fous et je me le répète en boucle et je vous jure en fixant que... son nez. Ouais, parce que du coup si c'est la copine de Sarah, ça va être facile. C'est pas joli, non, joli. Et je vous jure que tu peux passer des engueulades où le mec, mais vraiment, moi c'était des profs ou des mecs vraiment te défoncent et tout. Et en fait, tu tiens le regard et t'es tout penaud. Et en fait, il y a ce truc de, au bout d'un moment, ça te décontenance parce que tu regardes dans les yeux, tu dis rien, et du coup, c'est genre bon, bah c'est bon, vas-y, on passe à autre chose. Et ouais, ça mais là, tu fais un affront, vaut mieux, tu sais, avoir. Mais le nez, c'est juste en dessous. Donc il y a un truc de micro, pas menace, quoi. Ouais, mais tu fais quand même un affront, ça, si tu fais un peu le déstabiliser, que tu essaies de pleurer, tu vois, ça peut provoquer de l'émotion. Si t'es très proche, on dirait que tu louches un peu, non? Après, faut vraiment. Ah non, mais moi, c'est vraiment que la personne est un très bon nez, là, pour le coup. Moi, c'est sur le point de vous embrasser, quoi. Non, moi, c'était pas en mode. Wesh qui te met un CP, c'était plutôt le mec qui t'engueule à 2 mètres, quoi, tu vois. Ouais. Dans la technique de la bête noire, je continue parce que c'est vraiment tout est nul, hein, dans ce conseil. autre technique, créer une barrière, changer d'espace ou reculer suffit parfois à se sentir mieux. Quand t'impressionne, je pense c'est parfait. Attends, excuse-moi, tu me fais trop peur, je vais reculer d'un pas. Dans deux conseils, ça va être faites un sortilège d'Harry Potter, quoi. Parce que là, la visualisation, vous redoutez de parler à votre adversaire, vous craignez de le croiser dans le couloir. Un exercice consiste à se représenter les lieux avant le jour J. C'est une bonne façon de s'imprégner de l'ambiance. Prenez exemple sur les grands sportifs. Avant une course, par exemple, ils s'entraînent dans leur tête à effectuer des tours de piste en se disant à voix haute : je prends le virage à droite, à gauche, je prends le virage à droite, à gauche. Ainsi, le jour de la course, ils assurent mieux et ont moins d'hésitation. Ressentir l'ambiance, même mentalement, aide à se sentir mieux le jour J. C'est d'autant plus con que quand tu te fais un peu emmerder à l'école, le jour J, c'est tous les jours. Hein. C'est vraiment le concept, en fait. Bah oui, c'est ça le problème. Mais c'est trop nul. C'est-à-dire qu'en plus, tu penses, tu vas te faire casser la gueule demain. Et le conseil, c'est pensez bien au lieu. Pense bien à l'angle du couloir du collège. Quand tu es à l'abri de ton logis, mets-toi dans cette ambiance-là. Est-ce que je me fais humilier dans la cantine ou dans la cour de récré? Il faut que j'imagine les deux. Hein. Ah là là. Travailler l'attitude et la voix. Inspirez-vous des comédiens qui savent à quel point la façon d'être est importante. Bah oui, bah c'est d'apprendre la voix de Batman. Je n'ai pas peur. Eli Kaku. J'ai pris la voix d'Eli Kaku. J'ai regardé des sketchs d'Eli Kaku il y a pas longtemps. Urines. C'est pas très très drôle. De quoi, Eli Kaku? R.I.P. déjà. Il doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Et le toit de Notre-Dame. Et je l'embrasse très fort. Face à l'autre, il faut donc travailler sa voix, la moduler. Ainsi, une voix trop douce peut être perçue comme un signe de soumission. Non mais sérieusement quoi. Maître Gims. Une voix sèche peut déstabiliser. Une voix un peu mielleuse peut exprimer un air moqueur, ce qui risque d'agacer. Oui. En tout cas, le. En gros, un peu, c'est l'air viril quoi. Ouais, je sais pas. T'es vraiment sûr que tu veux l'argent de mon goûter? Je pense que là, tu maximises tes chances de te faire casser. Mon père a une Dacia. Tu veux juste me ken en fait, c'est trop bizarre. Et enfin, le dernier conseil qui me permet de vraiment partir sur le pire, je pense, réagissez aux critiques avec sang-froid. Non mais putain, c'est quoi? Moi, c'est ce que je dirais à mes enfants. Réagis avec plus de sang-froid là, tu t'énerves, c'est pas bien. Réagis bien. Voilà le conseil que j'ai à donner. Réagissez de façon adéquate au problème. La philosophe que je citais en début, Martine Batte, dit par exemple que la moquerie est un défaut d'empathie. Et ça, moi, je suis pas vraiment d'accord. Parce que je pense que c'est... Bah. Tu penses que c'est ça? Parce que justement, des fois, c'est comme on disait, c'est des fois tu rejettes un truc que toi tu subis sur quelqu'un d'autre par. Ça peut être un truc par de. Par défaut d'empathie. Non mais. Non mais ça peut être un truc d'autodéfense aussi. Tu suis le mouvement en te moquant aussi pour te protéger. Oui, mais du coup, tu manques d'empathie sur la personne que tu moques. Tu peux très bien savoir ce que ça fait et tu même te mettre à sa place, etc. Sauf que tu te dis, sauras-tu me pardonner? C'est sauras-tu. On a toujours le choix, c'est vrai. Non, mais c'est sûr que c'est un peu un défaut d'empathie. C'est un manque d'empathie sur le moment. Je trouvais que défaut d'empathie en général. Je pense pas qu'elle dise en général. Mais je pense pas qu'elle parle spécifiquement des gens qui se moquaient des autres pour pas eux-mêmes être moqués. Je pense qu'elle parle de moi. Non, et puis si tu veux, il y a des mecs. Je pense qu'elle parle de moi. Des mecs ou des filles qui sont vraiment des gros moqueurs ou des. À la limite du harcèlement ou parfois qui passent quasiment du harcèlement. Et ça, c'est vrai que c'est un manque d'empathie total. Mais tu sais que le truc de dire moi, je me moquais de quelqu'un pour survivre. Bah en fait tous les gens au collège font ça. Enfin c'est à dire que même le mec cool, il le fait. Sauf que lui, ça sert plus à rien. Il a tous les puntos. Enfin tu vois, mec, t'as 1000 points, j'en ai 2. Moi, je suis toujours à l'équilibre, donc moi, j'ai pas le choix. Ouais, lui, il continue de le faire, mais en fait, il le fait parce qu'il veut, il veut rester sur cette position-là, et il est obligé. Ouais, ou alors, il y a une autre menace aussi, quoi. Tu vois, c'est pas forcément. Enfin, faut pas croire que le mec qui torture, il a pas d'autres menaces non plus. Oui, oui, moi je pense que des vrais sales cons ça existe quand même. Après, des vrais sales cons gratos ça existe, mais franchement. Mais il n'y en a pas tant que ça. Moi je pense qu'il y a une question d'éducation aussi. Hein. Oui, c'est ouais, ça. Bah ça oui, prend une énorme place. Oui, mais c'est aussi ce que disait. J'ai déjà oublié son nom si vite. Disons Soprano. Martin Bat, bien joué. Y a aussi le truc de s'exprimer en fait. Les gens qui se moquent le font évidemment devant un public et donc il y a une espèce de truc de vouloir plaire et que en fait la moquerie est Twitter. Au moment de l'école. Twitter effectivement et au moment de l'école c'est le truc le plus efficace en fait. C'est que t'as un rire soudain en fait. Il y a une espèce de truc cruel qui est boum là d'un coup je vous fais rire très vite parce que je lui ai dit que ses lunettes ça faisait un binocle. Ouais. Et donc voilà, elle disait que c'était sûrement lié à ça. Et elle terminait. Tout de même, et là elle va mettre de l'eau dans le vin, à dire que l'idée n'est pas non plus de rejeter tout sarcasme. La recherche scientifique a montré que le sarcasme à juste dose pouvait améliorer les fonctions cognitives, faisait un tri naturel dans ses relations amicales, améliorait la créativité et permettait de désamorcer des situations difficiles. Bah là, je trouve qu'on reprend un peu ce que disait tout à l'heure Antoine, c'est genre savoir ce que c'est l'humour, est-ce qu'il y a un bon et un mauvais humour, c'est-à-dire que... tu peux ne pas te moquer, mais tu peux être sarcastique. Enfin, où est la limite ? Tu peux être sarcastique sans blesser, je pense. Et oui, voilà, exactement. Comment est-ce que tu peux être drôle sans blesser ? Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. Et bah, c'est vrai que nous, on a pu y être confrontés avec 2 heures de perdu sur certaines blagues. On s'est dit, en fait, là, on pensait pas blesser, mais on a blessé. Bah, en fait, nous, on se dit, non, pas du tout en premier lieu. Tu vois, tu dis non, pas du tout. Et en fait, après, tu te remets un peu en question. Mais il y a même ce truc de quand tu. Enfin, avec le recul, moi, j'ai eu ça, par exemple, tu te moques de films, par exemple. Ouais. Moi, je suis très critique sur le cinéma français. Et ma vie fait que maintenant, je travaille avec des gens qui font ces films. Et même si tu peux toujours trouver le film pas ouf, quand tu rencontres la personne et qu'elle est vraiment gentille, quand tu dis oh, « qu'est-ce qu'il était à chier, qu'est-ce qu'il était dans ce film de merde » et que la personne est vraiment sympa quand tu la rencontres, tu te sens vraiment comme une merde. Ouais. Tu te dis « mais je suis un débile ». C'est ça que nous, dans 2 heures de perdu, moi, je trouve qu'il y a un truc, alors peut-être moins sur les premiers, c'est pour ça pas du tout sur les premiers. Mais moi, je trouve que quand on attaque un film, on l'attaque pour le film, et on est jamais. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, on essaie de jamais être violent gratuitement envers un acteur ou envers un. Ouais. Moi, j'essaye, mais. Non, mais je sais pas, genre, en tout cas, je pense que Steven Spielberg, il est rhabillé pour l'idée. Je pense que ça lui a fait mal, d'ailleurs. Je pense que ça va pas bien pour lui. En vrai, je pense qu'on on fait attention un petit peu aussi. On rit du film, mais on n'est pas à tracher un film en disant c'est la pire merde qui existe. Enfin, si ça a pu nous arriver, mais pas sur des gens. On s'adresse plus à des gens. Voilà. Au début, tu vois, Gilles Lelouch, on lui en mettait plein la gueule. Ouais. Alors que maintenant, on l'adore. Mais en plus, on le connaît même pas, tu vois. C'est juste parce que, c'est facile c'est aussi. Moi, je connais sa sœur. Pardon. Et dans le fond, Camille. Tu vois, on a rien contre lui. Et ça se trouve, on le rencontre, il est super cool. Enfin, j'en sais rien. Mais moi, j'ai hâte de croiser Bigard pour regretter 30 émissions de Flocast. Non, je ne sais pas moquer de lui. On l'a honoré. C'est vrai que Bigard, pour le coup, c'est pas tant de la moquerie. C'est plus un truc de. Non, mais après, c'est plus de genre. C'est juste, c'est tellement absurde. Over the top, oui, ouais, bien drôle, sûr. Pardon, excuse-moi. Non, en fait, le truc qu'elle disait, moi je trouve qu'il y a un truc avec la moquerie quand elle est bien. Et le sarcasme et tout, oui, quand c'est d'accord. bien utilisé. Dans le cadre de l'amitié, par exemple, parfois, on se moque de toi, mais quand tu sais que c'est sur un terreau, un contexte de bienveillance, il y a un côté. Tu t'es invité à rire d'un truc moche qui t'arrive ou un truc comme ça. Et du coup, la moquerie, elle peut être. C'est un peu une invitation à. Et ça peut faire du bien, en fait, quand c'est pas genre juste t'enterres quelqu'un, mais une petite moquerie, c'est un peu une invitation à rire d'un truc qui te fait souffrir ou un truc comme ça. Et ça peut être salutaire, quoi. Et là, je vais reprendre des phrases toutes faites, mais ne serait-ce pas la phrase de Pierre Desproges ? À savoir, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il y a un peu ce truc-là. Non, mais là où je veux en venir, je finis juste, c'était pas juste pour dire ça. Ouais, parce que là, elles sont pas du tout convaincues. Là. Mais un bruit de chasse d'eau, je sais pas quoi, mais là, t'as ton effet. Ça n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Non, ce que je voulais dire, c'était qu'il y a un peu ce truc-là de quand tu es dans l'ambiance où tu sais que c'est ça et que c'est aussi très. Je veux dire, dans Floodcast, on s'est moqué de plein de gens et de plein de choses, mais on est beaucoup à s'envoyer des trucs dans nos propres gueules et à pas avoir faire de cadeaux à nos propres vies. C'est de dire que le cercle de jeu est comme ça et que Adrien il peut me faire des blagues sur moi et moi sur lui. Et les invités qui viennent, il y a un peu ce truc-là de on est dans ce terrain-là. Moi, donc en fait, c'est plus sympa, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, je trouve que l'intelligence aussi, c'est de savoir se moquer un peu de soi-même. Après, sûr, oui. L'intelligence, c'est savoir que tu vas pas te moquer de n'importe qui. C'est-à-dire que le mec que tu connais depuis 2 secondes et qui a une tache de vin, je sais pas pourquoi je reprends sa Ready Player One. C'est pas la peine de dire ah, t'as une tache de vin, t'es ridicule. Là, t'as l'air con, toi, déjà, la vanne est pas ouf, on peut le dire. Ouais, déjà, c'est nul comme vanne, etc. Mais ouais, tu peux faire un film. Mais... Hein. Bon, au moins un sketch, un 5 minutes. C'est savoir se moquer de soi-même. Enfin, moi, j'apprécie quand même beaucoup le fait de savoir se. Enfin, je pense que savoir rire de soi-même, et j'aime bien les gens qui, dont je peux un peu me moquer et titiller et que ça fait rire et que voilà. Moi, je suis d'accord. Et qui sont capables en plus de dire là, t'as dépassé les limites. Mais moi, ce que je trouve très important dans ce que tu dis, c'est cette histoire de cercle de bienveillance, quoi. C'est que certes, tu peux le faire, mais en fait, il faut vraiment te sentir en confiance avec la personne. Oui, voilà, quoi. Enfin, c'est... Mais en fait, c'est, grosso modo, c'est de l'autodérision. C'est-à-dire que c'est celui qui est le plus safe. C'est-à-dire se moquer de soi. Alors, se moquer de soi-même en tant qu'un personne individu, ça, c'est safe, puisque tu vas avec ces personnes à part toi. Et donc, ça, pour les gens qui seraient maladroits en humour et qui ne savent pas par où commencer, commence par ça, parce que ça, c'est, au moins, tu es sûr, tu feras de mal à personne. Et ensuite, l'entre-soi, on reste dans l'autodérision, parce qu'après, ça reste de l'autodérision de groupe. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, on est tous ensemble et on peut dire des trucs très cruels sur le sac de Sarin, par exemple. Sarin, c'est quand même chaud. Même pour si je pense qu'il faut qu'on lève le pied là, parce qu'on est allé un peu loin. Non, mais j'ai pas passé une très bonne semaine. Et voilà, et Sarin le prend bien parce qu'on est entre nous et c'est une forme d'autodérision parce qu'elle appartient au groupe, et etc. Mais même là-dedans, je dirais, ça peut être bien aussi de faire attention et d'en parler à la personne. Enfin, moi, je sais que Adrien va très très loin sur les blagues sur sa vie, sur certains événements de sa vie. Et des fois, moi, du coup, je me sens un peu poussé des ailes et j'y vais. Et des fois, là, après, je me dis, oh, peut-être qu'en fait, c'est juste horrible, en fait. Tu vois, avec Adrien, c'est particulier parce que lui, il va vraiment très loin. Mais je sais que, et là, j'en parle parce que j'ai vu qu'elle avait traversé l'appartement avec ma meuf. Des fois, elle dit, mais la blague que t'as fait vraiment sur les parents d'Adrien, c'est horrible. C'est horrible. Et je suis là, genre. Non mais je crois que passe. Alors du coup je sais pas où est la limite. Là c'est encore autre chose. Mais en plus c'est pas de la moquerie. Enfin tu vois c'est pas. C'est de la cruauté. Grave la honte que tes parents soient morts quand même. Non mais justement en fait. La personne. Que... parce que là, on est tous, tous mal à l'aise parce qu'on sait pas. Le... On parle du sac de Sarah. Là c'est genre. Ouais, c'est pas on est plus vraiment légitime. C'était un lafuma. Je répète un lafuma. Non mais c'est là je trouve que c'est même plus trop de la moquerie parce que tu vas te moquer de quelqu'un. Mais ce que je là où enfin en fait moi je trouve ça cool parce que c'est des sujet tabou dont on rit pas forcément et du coup je trouve ça cool que des gens puissent en rire, enfin que je puisse permettre à des gens d'en rire parce que moi je le fais. Je trouve ça cool en fait. C'est vrai, mais c'est vrai, ça veut donner l'autorisation. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Mais même moi, du coup, en fréquentant, je suis allé plus loin dans mes trucs perso qui sont moins vénères, mais que j'aurais pas fait naturellement. Et c'est vrai que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de parler des trucs de ce podcast et de tous ces trucs-là. Ça me fait du bien de faire des blagues là-dessus. Et au vu de ce que disent les auditeurs parfois, sans s'auto-congratuler, parfois ça aide un peu. Enfin, ça fait du bien aux gens aussi, donc c'est trop bien quoi. Bah, c'est nécessaire. Enfin, que ça soit avec un pote. Qui t'autorise ou vous autorisez mutuellement, ça c'est une chose, mais c'est vrai qu'aussi dans un groupe, forcément tu vas te moquer. Tu vois, t'es avec ta meuf, et bah t'as passé une soirée, tu fais un débrief, forcément tu vas te moquer, c'est nécessaire, t'es obligé de te moquer des gens. Mais derrière leur dos. Ouais, bah ça oui, peut pas non, trop mais, faire de mal. Mais ils ont un sac dans le dos, dans ce cas-là. Non, mais c'est un truc que tout le monde fait, t'es obligé de le faire en fait. Et après, est-ce que tu le ferais en face? Non. Est-ce que tu peux t'en passer? Je ne crois pas. T'es obligé de faire un débrief, dire ah bah l'autre il était, t'as vu son fringue et machin. Sais, je suis d'accord avec Greg, c'est le truc dont on n'a pas parlé sur la moquerie. C'est omniprésent moi dans ma vie. Je me fous de la gueule de tout le monde. Sachez-le. Mais pas une fois eux. Qu'on a passé la porte. Mais pas devant eux. Et ce truc-là, moi, avec un groupe d'amis, on peut être ultra hardcore entre nous, avec des gens random dans la rue ou des gens qu'on connaît, etc. Ouais. Mais je dis pas c'est fait en bienveillance, donc c'est bon, etc. À la limite, on s'en fout même. C'est juste un cadre privé, donc on fait ce qu'on veut. Mais ça reste une source humoristique. Intarissable. C'est et ça crée un peu des liens aussi. Les plus drôles. Mais c'est pas fait. Bah, par exemple, au boulot, on a une équipe et il y a des gens. On chie beaucoup sur Flaubert. On écoute ton podcast et vraiment, ça nous fait. Non, et on a donné des surnoms à tous les mecs du bâtiment et il y en a qui sont pas sympas du tout, mais juste les mecs connaissent pas leur surnom, les mecs connaissent rien. Là, je suis en train d'écrire la Ligue du LOL, donc je vais en prendre. En fait, je m'arrête. Mais c'est exactement ça, mais juste après, il y a une limite. En vrai, c'est juste que. on dépasse pas un truc vraiment super glauque, super. Enfin, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a rien. C'est juste, on est entre nous, c'est un groupe. Mais... Et on se moque de tout ce qui est extérieur à nous. Mais et ça, de vous-même. Et de, un, oui, dont nous. Voilà, mais, et nous, les premiers. Et d'ailleurs, s'il y en a un du groupe, et c'est d'ailleurs arrivé dans mon groupe d'amis, qui n'acceptait pas les moqueries. Mais vraiment qu'il les acceptait pas. Un jour il est arrivé avec un chapeau, mais il avait l'air mais méga con. T'as tiré la leçon en tout cas. Et on lui a dit mec, mais c'est, comment tu te la joues avec ton chapeau, avec ta paille et tout machin. Et il est parti dans un truc genre ouais ok, vous êtes jaloux, en fait je suis stylé et vous êtes jaloux. Et c'est genre mec, ton chapeau. Ouais. Et il y avait un truc où vraiment, et après moi, mais il était jaloux, le mec il est stylé, c'est tout quoi. Tu te parles pas? Bah, cool. Bien sûr. Et après, moi il m'avait dit en off, il m'a dit non mais c'est fini, ils sont trop pleins de malveillance, ils sont jaloux de moi, oui, et tout, j'étais très stylé. Ça s'entend, ouais, ça s'entend. Mais t'as 100 ans aussi. Et oui, oui, je comprends. Mais c'est juste, bah heureusement, enfin en fait, il y a pas de fit. Tant pis, je pense que personne n'a réellement merdé dans cette histoire, ni lui, ni les gens. C'est juste que c'est une manière d'être. Ouais, mais en fait, vous l'avez. Enfin. Je veux pas prendre sa défense et tout, parce que je suis d'accord qu'après tout, tes potes te disent ton chapeau c'est de la merde, tu dis bah allez vous faire foutre, moi je kiffe mon chapeau, pote, etc. Plus, ouais. Mais peut-être que lui, tu sais pas pour quelle raison, en fait. Non mais ça l'a blessé. Ça peut juste, le lasser, quoi. Tu sais pas pourquoi, mais en fait là ça a l'air de l'avoir vraiment vexé. Ah oui, blessé. C'est clair. Non, mais et c'est donc clair. Voilà. Et moi je voulais juste dire un truc, c'est qu'il y a quand même quelque chose, je pense, d'assez français dans la moquerie, surtout sur l'apparence. Quand tu vas par exemple aux États-Unis, enfin, moi j'ai passé un an là-bas et en fait tu te rends compte que les gens s'en foutent vraiment un peu beaucoup plus. Ça veut pas dire que ça existe pas hein. Le bisoutage, le truc comme ça, etc. Mais t'as un truc vachement plus enfin ils aiment pas trop ce côté de moquerie, êtes, sarcasme, etc. Ouais, c'est vachement plus, je trouve, enfin moi c'est comme ça que je l'ai on voit jamais ça dans les films américains. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tous les teen movies se moquent jamais de la part. Non, non mais ils se moquent, il y a des groupes, il y a des intellos, des trucs, etc. Mais tu vois, t'as beaucoup plus le droit d'avoir des cheveux verts, des trucs, sans que tout le monde se retourne dans la rue pour te regarder. Moi, ce truc de moquerie dont vous parlez, le fait de se moquer de gens dans la rue, de machin et tout ça, je pense que, comme tout le monde, j'ai dû pas mal l'avoir, mais moi, j'ai toujours un truc, et je sais pas, peut-être c'est bizarre et tout, mais moi, je me dis, putain, mais moi, je détesterais qu'on me fasse ça, en fait, et genre, il y a un truc qui me... Non, mais tu le sais pas. Mais je m'en fous, en fait, genre, en fait, je m'en fous des gens dans la rue, enfin, je sais pas, il y a un truc qui me bloque, que je, peut-être j'avais pas avant et que j'ai... Enfin, je sais pas, maintenant que ça devient un sujet de la société. Mais maintenant que je me dis, putain, mais en fait, pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit une source de comédie pour moi intarissable. Et enfin, genre, j'ai l'impression de pouvoir en trouver un petit peu ailleurs, quoi. Genre. Ouais. Non, c'est vrai. Mais après, c'est un truc de personnalité. J'ai pas dit c'est le seul truc drôle sur Terre, etc. Tu as dit ça. Non, mais on remet l'enregistrement. C'est le seul truc intarissable. Bah voilà. Je pense que c'est un truc de personnalité. Mais moi, j'ai vraiment un truc de barrière qui, je pense, en fait tient sur ma sensibilité à moi et sur la façon dont je perçois les choses qui m'empêche, en fait j'ai un stop quoi, j'ai du mal quoi, je me dis bah putain ça m'a trop fait chier quand on me l'a fait, ça m'a trop fait chier. Je dirais deux choses vis-à-vis de ça, c'est que je pense qu'effectivement moi par exemple je peux me moquer plus facilement, mais je crois que parce que maintenant j'ai atteint un niveau de confiance en tout cas qui est très fragile, mais où je m'en fous qu'on se moque de moi en ce moment en tout cas, c'est-à-dire que si on parle de moi dans un groupe ou qu'on se moque de moi, ou tu vois moi il y a le truc où quand je vois des fois je me dis j'ai vu des gens qui sont pas mes amis proches et j'ai fait comme si j'étais qu'avec mes potes, donc j'ai parlé fort, je parle très fort, je ris fort, je prends de la place. Il y a eu un mot un peu vexant, mais ok. Non, je plaisante. C'était hyper Non mais en gros voilà, et du coup je me dis à la fin, ah peut-être que là on va dire putain qu'est-ce qui était relou Flo, et je ferai gaffe la prochaine fois, mais en même temps si on se moque de moi je m'en fous quoi. Enfin, voilà, donc, du coup, c'était un ouais plutôt affirmatif de compréhension. C'est un truc de sensibilité et c'est complètement vrai. Bref, faut quand même veiller à pas être trop relou. Hein, Il y a quand même une petite remise en question. Non mais bien sûr. Et je voulais dire un autre truc aussi. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que quand t'as un groupe d'amis où peut y avoir beaucoup de moqueries, même si t'as l'impression que c'est acquis et tout, c'est bien de pas rentrer aussi dans une espèce de piège où tu te forces et que même si t'aimes pas trop ça, tu le fais quand même parce que visiblement c'est le seul truc qui lie les gens. Et c'est bien aussi de prendre un peu de recul. Là, je parle à des adultes hein, maintenant. Ouais. Enfin, on sort du cadre du collège, tout ça, c'est très difficile à faire. Mais sauf que tu reproduis les choses. Enfin, mais je pense que c'est plus facile de dire. En fait, les gars, ça me fait pas rire et voilà. Ouais, mais tu passes toujours pour le ou la relou. Enfin, moi, je sais pas, ça dépend. Non, mais arrivé au boulot, en réunion, et tu vois, genre, et tu fais, t'es la seule personne à pas tracher les autres. Au boulot, mais en écriture. par exemple. Ouais, mais en écriture, c'est encore différent parce que. L'écriture et tout, et tu fais ben non, mais. Et l'écriture, c'est parce qu'on travaille avec des enfants aussi. Après, non, non, mais il y a vachement un truc aussi, enfin, il y a plein de différences à faire entre la moquerie, être à deux, trois potes et débriefer de choses, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de subtilités. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'effet de groupe, il est toujours hyper dur et hyper violent, quoi. Bien sûr. Quand t'es plusieurs contre un, c'est toujours assez violent, en fait, même si tu veux pas vraiment l'être. Non, après, même si après, l'ambiance, c'est moquerie land et que t'es dans ce groupe d'amis parce que t'aimes les gens, tu peux être emmerdé, tu vois. Oui. Mais après, ça dépend aussi de l'affinité du groupe, du niveau de connaissance, etc. Mais à un moment, si tu te sens pas à ta place dans un groupe, et bah peut-être qu'il faut pas forcer. Enfin, on est dans un âge où t'es pas coincé à la cour de récré avec eux et c'est pour ça que je parlais d'un groupe de travail et pas d'un groupe. Mais moi, c'est pour ça que je te dis la personne qui a subi les moqueries du chapeau, enfin ce que lui il a vexé, les gens qui ont dit le truc du chapeau, vraiment. Eux, ils n'ont pas compris parce qu'ils auraient parfaitement accepté qu'on leur fasse ça. Ouais. Et du coup, il y a un truc où, et ben, naturellement. Non, mais c'est pour ça qu'ils ne mettent pas ce chapeau aussi, parce qu'en vrai, ils n'accepteraient pas. Quoi. Oui, bah, carrément. Mais après. Très vite, quoi. Mais c'est ce que dit la philosophe, à savoir, ça te permet de créer aussi des liens d'amitié, de voir qui est ton ami. Oui, bah, elle dit comme moi. Bah, qu'est-ce que tu veux. Oui, bah, qu'est-ce que vous me faites chier. On aurait pu coécrire le bouquin. Mais. Non, mais du coup, il y a un peu ce truc-là où aujourd'hui, t'es pas prisonnier de ça. Et s'il y a un groupe qui te gêne, sauf si c'est dans ton taf ou quoi, bien sûr, si c'est un groupe d'amis et que t'as un problème, soit tu le dis à haute voix, soit tu te barres. Mais à un moment, tu peux pas changer les gens, les trucs. Ça, je suis d'accord avec toi, Antoine, mais je trouve que ça reste toujours plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Ah, bien je suis sûr. D'accord avec toi qu'on est à un âge, normalement, on devrait être capable de dire bah, là, ce que tu dis, ça me fait de la peine, là, arrête de te moquer, ou de dire bah, vous me faites chier, je me casse. Mais même à notre âge, je trouve que c'est. C'est jamais si facile que ça. Ah, moi, je l'ai jamais fait, j'ai aucune burne. Écoutez, voilà. C'est comme ça qu'on termine cette partie. J'ai juste quelques petites questions pour l'équipe de 2 heures de perdu, parce que quand on a annoncé que vous veniez, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de questions. Ah, est-ce que l'expérience avec Paramount Channel vous donne envie de passer au format TV avec 2 heures de perdu? Non, cinéma tout de suite, nous. Ciné. D'ailleurs, bah, s'il y a des offres, allez-y. Hein. Non, mais sinon, plus sérieusement, est-ce que les gens. Bah, c'est ce qu'on fait, non? Bah, je pense qu'on va continuer à garder 2 heures de perdu en podcast parce que c'est un podcast et que nous aimons le format audio. Puis ça marche 10 fois mieux. Voilà. Nous ne savons pas encore, mais nous allons probablement continuer le format TV. Mais plus par plaisir que par vrai. Non, c'est pour pognon. Moi, je prends plus de plaisir en audio. Mais... Non, mais je pense que c'est pas tant. C'est plus par. C'est un autre exercice, c'est par curiosité, je pense. Par curiosité, par challenge, pour voir si on arrive à proposer quelque chose qui nous plaît. Dans un cadre qui est moins libre que le vôtre, en exactement, plus. Exactement, même si honnêtement, pour. Je veux pas trop cirer les bottes à la Paramount Channel, mais on est très très libre quand même de ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on a accepté aussi. Moi, j'aurai la machine à prout l'année prochaine. Et non, mais je. Mais tu sais, on rigole, mais en plus, il veut qu'on en prenne. Enfin, ah bah voilà. Voilà. Non, mais ça sera bien. En tout cas, ça relèverait le niveau. Un peu. Non mais enfin je sais pas, c'est un peu un challenge quoi. C'est pas genre on ne cherche pas absolument à mettre 2 heures de perdu dans la télé, mais on a eu cette opportunité et c'est assez cool. Nos parents sont très contents de nous voir à la télé. Après je pense qu'il y a une limite aussi, tu vois, on peut faire cette émission là, mais on va pas faire la même émission samedi soir en prime time quoi. Peut-être que si. Oui, le cadre est pas mal. Sur TF1. Pour Antoine, Sarah et Greg, y aura-t-il d'autres numéros de la bande FM? T'en as raté un la semaine dernière. Pas vrai. Bon, on sait pas trop, peut-être un jour. Ça, c'est un petit oui. Hein. Non, mais moi j'aimais bien la bande FM. Ouais, moi j'aimerais bien en faire une. Ouais. Bah, on a fait beaucoup de jingles. Je les ai réécoutés, les jingles, ils sont super bien. C'est vrai qu'ils sont cool. Mieux que Brout et. Non, quand même pas. Évidemment, faut pas exagérer. J'ai réécouté tous les jingles. J'ai fait putain, mais ils sont trop bien les jingles et tout. Et c'est vrai qu'on s'était bien marré. Non, mais ouais, on le refera. Adrien. Tu as fait des lives sur Instagram et je te trouve très intéressant, mais tu as l'air parfois blasé par les commentaires. Est-ce que le live te tente vraiment ou est-ce que tu le fais plus pour avoir des retours sur tes vidéos? Non, je le fais pas du tout pour avoir des retours sur mes vidéos. Ouais. Si, on t'a vu. Je suis blasé par ton propre commentaire, ce qui est quand même. Non, en fait, bah, justement, on est un peu dans le thème. C'est les derniers lives que j'ai fait. C'était fait moquer. Non, mais il y a beaucoup de gens qui, justement, sont. Et on rejoint aussi ce qu'on a dit tout à l'heure. C'était le côté. Quelqu'un, tu vois, un pote qui va me vanner. Enfin, tu le tolères. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui. Alors, c'est peut-être des gens qui sont jeunes, mais pas forcément, des fois sur Internet. Non, mais qui comprennent pas que tu peux pas juste vanner quelqu'un comme ça et ça va être ton pote. Enfin, tu vois, il y a un côté. Ouais. Y a des gens qui se comportent un peu avec toi comme si t'étais leur pote. Et en fait, non, t'es juste un inconnu qui arrive et qui me vanne. Et en fait, c'est même pas que ça me blesse, c'est juste, mais casse-toi. Enfin, c'est cette nouvelle relation que crée un peu parfois Internet. C'est oui, de voilà. la proximité, c'est super avec le public, voilà. Mais on reste pas amis en fait, on n'est pas des amis. Je m'efforce pourtant d'être désagréable, mais les gens continuent à croire que je suis leur pote, quoi. C'est vrai que c'est très perturbant. Ils ont l'impression que c'est réciproque et non, mais ça en fait c'est inhérent au truc. En fait, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Il y aura forcément un mec qui va venir et qui va te dire tu es de la merde que tu fais. C'est moins ça que tu vois. On fait des vannes entre nous et les gens te les ressortent. Moi par exemple, j'ai ce truc avec Dan Gagnon sur Twitter où on s'insulte très méchamment sur nos carrières respectives sur Twitter, ou avec Pierre Lapin, on a pu le faire aussi. Et c'est bon enfant parce qu'on se connaît, on sait qu'on s'aime et tout va bien. Mais que quand d'un coup, c'est le mec avec les cheveux bleus là, exactement. C'est le héros de Ready Player One. Ah ouais. Et donc du coup, c'est vrai que dès que c'est d'autres gens qui font ah ouais, Florent avec ta carrière de merde, tu fais ou enfin mec, toi je te connais pas, je te connais absolument pas, donc va te faire foutre en fait. Je vais te dire toi ta carrière s'il te plaît. Non mais du coup moi des fois je réponds, je fais oui bah ferme ta gueule, ils font oh ouais oh, oh. Ah du coup tu ah Damien, d'accord. Ouais. Ah mais si tu non, mais, du coup j'ai les conseils, t'as mis en application les conseils de ton adolescence. Damien. Exactement. Avec une voix virile. Tu refais Damien. Et du coup toi ferme ta gueule. Tu refais Damien. Si tu dis tu es le bully maintenant. Non mais en fait il y avait un truc de bah, si tu veux jouer, on joue, mais c'est horrible en fait, parce qu'on n'est pas amis, quoi. On n'est pas sur la même longueur d'onde en fait, donc on peut pas faire ça. Donc je le fais évidemment plus, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, c'était, voilà, c'est ce truc un peu de ligne fine qui parfois est un peu difficile. Non mais en fait moi en plus j'ai le problème c'est que souvent quand je fais des lives je les fais alors que je suis fatigué. Oui, parce qu'on s'ennuie un peu, mais là moi je fais pareil, je fais des lives. Enfin là je suis fatigué. Mais t'es toujours fatigué. Là aujourd'hui vraiment on a fait 7 heures de podcast hein, là rappelons-le quand même. Il est quelle heure là? Je sais pas, j'ai même pas osé regarder. Là, minuit 40. Là on a fait 36, plus 36. D'heures de podcast que j'ai eu d'heures de sommeil cette nuit. Et c'est compliqué. Non mais je l'ai fait quand je suis fatigué, du coup je suis un peu moins impatient et du coup les... Non, encore ce serait drôle les vannes, mais des fois c'est juste vraiment juste nul quoi, et du coup je les envoie chier, mais je suis pas blasé, c'est vraiment trois commentaires sur plein et évidemment on retient les fois où j'envoie chier quelqu'un. Et encore une fois c'est logique avec ce qu'on dit, c'est parce que tu réponds, c'est que d'un coup tu réponds genre oui bah elle est marrante ta blague, et d'un coup on dit oh bah d'accord, bah, donc il est saoulé, il est blasé, alors que juste t'as répondu à une moquerie par une moquerie, enfin tout va bien, oui, tu vois, oui, normalement voilà. Il y a un truc de... Donc fermez-la. Ouais, voilà. Juste écoutez-nous, donnez-nous de l'argent et arrêtez d'avoir des avis sur ce qu'on fait. Ça. Julie, au niveau de... J'entends, je sais que tu es scénariste, est-ce qu'on peut savoir sur quoi tu travailles en ce moment? Je travaille sur de la fiction française majoritairement, voilà. De la série télévisée. On peut parler de shérif. Même si ça remonte maintenant. Ouais. On peut parler de Double Jeu qui va arriver bientôt sur France 2, dont j'ai coécrit deux épisodes. On peut parler de Balthazar saison 2 sur TF1, sur lequel j'ai travaillé. Mais surtout, on peut parler de mes projets perso, où j'espère que ça va se faire. C'est toujours le plus compliqué. Voilà. Ouais. Et là, je suis en écriture d'un pilote qui a été sélectionné pour le fond SACD OCS. Et je suis très contente. Félicitations. Voilà. Oh. Ça. Très bon, André. Sur décalé. Mec, t'avais l'air saoulé, franchement, quand t'as applaudi. Grave, je suis blasé. Antoine, du coup, pour la Russie, c'est mort? Point d'interrogation. C'est mort. C'est mort, ok. Le connard s'est cassé à Bordeaux, là. Non, Bayonne, il est. Bayonne. D'autres épisodes sur les eaux stagnantes, c'est un peu lié. Tout pareil. Il est parti. Non, en vrai, en plus, j'avais. Je vais le dire là, peut-être qu'on le coupera. C'est con parce que depuis le début, j'ai fait cool, il n'y aura pas de montage. Vraiment, à la fin, tu veux. Non. Mickaël est loin. Ouais. Et Mickaël, il est un peu comme moi, il est un peu feignant. du coup, il se passe rien. mais là, j'avais très envie, il y a un ou deux mois, j'avais très, très, très envie de faire un mockumentary sur les étangs et tout, et de me dire viens on part avec une caméra et on fait une espèce de faux reportage totalement raté, ultra glauque, dans des vieux patelins, et on fait n'importe quoi. Et il m'a dit ouais grave, bonne idée, voilà. Et on en est là. Voilà. Sur un autre projet peut-être un peu plus sérieux, c'est où est-ce que tu en es de ta fiction audio? Ah et ben alors elle est finie. Elle a été tournée. Ouh, bah ouais, voilà, bravo. C'était aussi un fonds SACD. Bon, merci la SACD. Décidément, merci la SACD. Bisous. C'est quand même ce que la France nous permet de faire. C'est quand même dingue. Exact. Et ça a mis vachement longtemps parce que c'est hyper compliqué de travailler avec eux. Et c'est enfin fini. Je l'ai écouté. Et je suis hyper fier. Je trouve trop que bien, c'est vraiment très très bien. Je suis hyper content. Et ça devait sortir là. Et ça sortira en septembre. Est-ce que tu as le droit de dire où ou pas? Pas encore. Où est-ce qu'on pourra écouter ce podcast? Ah, c'est France Culture. France Culture, voilà. Et bravo. Là, il y avait un prout là qui s'est. Et on se bat pour avoir la radiodiffusion. on aimerait bien. Bah, je veux dire, podcast, tu veux dire. Ah non, En fait, c'est dans le fond podcast et on aimerait bien que ça passe sur Feuilleton parce qu'on touche les droits d'auteur aussi. Ouais, bah, d'accord, mais il y a vraiment beaucoup plus de gens qui vont l'écouter. Oui, en termes de public touché, vaut mieux ça que l'inverse, quoi. Voilà, et voilà, c'est une fiction d'espionnage et tout, donc pour le coup, c'est trop très cool, sérieux. Hein. Et on a hâte d'écouter. J'ai très très hâte. Trop bien. Et une dernière question pour les amis de Deux Heures Perdues, comment vous tous vous vous êtes rencontrés? Mais oui. Voilà. La question de minuit 40. Vous avez le droit de mentir. C'est Tinder, tout à fait. Bah oui. Vas-y, je la fais vite. Julie connaît Saint-Michel de je ne sais pas. Bah, du théâtre où on bossait ensemble. Du théâtre où on bossait ensemble. Moi, j'ai rencontré Mickaël à Dijon Plage parce qu'on était tous les deux plagistes au même moment au lac Kyr. C'est ce qui me relie à Deux Heures de Perdu, c'est Dijon et Juliana avec qui on a travaillé à Golden Moustache. Tout à fait. Et Le lac Kyr, où vous faites la crème de cassis, vous avez appelé un lac qui s'appelle Kyr. Ah bah c'est le chaman Kyr, bien sûr, c'est le lac. D'accord. C'est en face de Fontaine Douche, la plage du lac Kyr. Bien sûr. Et beaucoup de plages à Dijon. Et voilà, et donc par Mickaël, j'avais rencontré Julie. Moi, je connaissais Greg par ailleurs. Et je connaissais. Sarah par ailleurs. C'est clair ou pas? Greg aussi, enfin en gros, aussi. Voilà. On avait un groupe de copains un peu. Mais on n'est pas potes hein, à la base, c'est vraiment. Ouais, ça va, soit pas désagréable. C'est une petite annonce. Tout ça, c'est faux. Alors, moi, je tiens à te dire, je suis hyper déçue. Personne ne me demande si j'ai des bras ou pas parce que. Elle en faisait partie aussi. Ça va, je suis rassurée. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment inquiets à ce niveau. Oui, et bah, le mystère restera entier. D'accord. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, une question qui n'est pas posée, mais je vais y répondre. Est-ce que vous répondez jamais à ça dans le vôtre, alors faites-vous plaisir. Hein. En fait, il y a un peu des running gags qu'on avait créé à l'époque, etc. Genre les eaux stagnantes, les bras de Sarah, etc. Mm-hmm. Et la mythologie de Deux Heures de Perdu évolue. Il y aura un film dans 20 ans avec des références. Non, mais tu vois, il y a des expressions, il y a des gags qui disparaissent. On essaye d'avancer. Enfin, on essaye un peu d'avancer sur ce truc-là. C'est là où vous êtes, vous différez vraiment de nous. Hein. Moi, j'ai encore le jingle pay dans le truc. Ouais, mais c'est quand même bien. Mais et du coup, il y a un peu ce truc où au bout d'un moment, on essaye d'avancer parce que on a changé la ligne éditoriale et maintenant on est beaucoup plus sérieux. D'ailleurs, si les gens l'entendent, on commence à basculer vers la droite. Hein, et la télévision, comme la France, monsieur, comme la France. Et d'ailleurs, non, mais j'allais dire aussi, il y a plusieurs nouvelles recrues. Bien sûr, on peut les présenter en quelques mots, bien sûr. Oui. Et comment elles sont arrivées dans les vies. Moi, je peux présenter. Toi, il y en a une qui est arrivée il y a longtemps, quand même, dans ta vie. Dans ma vie, ouais, elle est arrivée il y a. C'est gênant, le bruit de paix. 29 ans. Okay. Non, il y a ma petite sœur Léa qui fait des épisodes avec nous maintenant. Voilà. Mais c'est même pas moi qui ai poussé. Ça a été acclamé par la foule. Après, c'est n'importe quoi, j'ai bu. Elle est très bien d'ailleurs. Moi, merci Julie. Après, il y a Eve qui est une très très très bonne amie à moi. J'étais témoin à son mariage. Je suis ah oui, d'accord, très fière de dire ça. Mais, et qui nous vient du Québec. Voilà. Greg, tu veux citer quelqu'un? Bah, y a Olivier, mais moi je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. Olivier, c'est un pote de Mickaël. Et il fait le podcast. Et de Julie, il était au théâtre avec vous aussi. Ouais. Et avec qui on fait aussi le podcast PO, qui est présenté par Mickaël. Bon, bah trop bien. Vous avez tout un univers. Et nous manque le dernier. Oui, le petit peut-être GG, on sait pas. GG. J'ai pas encore validé. Moi j'adore GG. Moi j'aime bien, je suis pour qu'il revienne. Et qui est un pote à moi. D'accord. Voilà, donc c'est pas forcément la bande de potes et machin, c'est parce que on a ce problème de vouloir faire une émission hebdomadaire. Ouais. Et c'est vachement compliqué d'être à 4 à chaque fois, et donc du coup, c'est plus simple d'amener du 109 et de se dire voilà. Surtout depuis que Mickaël est parti très loin. C'est parce ça. Que ça a déjà été posé, même si on l'a déjà dit, c'est pas genre on n'a pas viré Mickaël. Vous n'êtes pas embrouillé. Mickaël ne nous déteste pas, il a déménagé à Bayonne, et donc c'est compliqué. Et quand il est là, on est ravis qu'il soit là. Mais il sera là au live. Et alors, justement, tu me tends une perche, mon bel Antoine. Vous avez. Mais de toute façon, il est complet, donc on en fait la promo quand même, on fait comme ces humoristes. Peut-être parce qu'il y en aura d'autres et tout. Donc voilà, bon. Vous jouez au Bataclan en juin. Le 11 juin, exactement. Tout à fait. C'est complet. C'est complet, et on fait la menace fantôme. Oui, voilà. Star Wars épisode 1 avec Jar Jar Binks. Yes, et on a hâte. C'est même pas un scoop parce qu'en fait c'est même pas acté, je devrais même pas le dire, mais trop tard, je me suis engagé dans cette phrase. Le bruit de sûr. On va peut-être refaire un des lives là-bas. Voilà. Et nous, on espère aussi nous faire des lives dans l'année, parce que c'est vrai que j'arrête pas de dire qu'il faudrait qu'on le fasse. Et je bouge pas mon cul, parce que moi aussi, je suis un peu, ouais, moi aussi, je suis un peu feignant. C'est que quand Patrick Beau nous dit oh, venez à Avignon, je fais ah bah parfait, on va faire un live. mais voilà, il faudrait que je me sorte les wads moi aussi de mon côté. Bon, peut-être c'est le Bataclan, je me dirais bon, bah en fait, ça va, c'est facile, ils y arrivent, franchement, on peut le faire. Bah, vous venez, vous êtes tous les deux bien sûr invités. Avec grand plaisir. Oui. Avec grand plaisir à venir voir votre podcast sur Star Wars. Écoute. J'ai eu un écoute. Bon. Qui n'est pas un oui, un non, un oui. Bon, c'est pas un oui, c'est pas un non. Bon, les amis, merci beaucoup. Merci d'être venus, d'être restés. Il n'y a pas les recommandations culturelles ? Ah putain, minuit 40. On les fait très très vite. Bah quand même. C'est trop cool, c'est. À une vitesse folle. Adrien, tu commences. J'en ai deux. Ah bah vas-y. Fallait les préparer, je les ai pas préparés. Je suis désolé, j'ai oublié. Je vais dire vite. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Calmos. Oui, avec super. Plus précisément, une série qui s'appelle Rigolo. Et c'est un peu des drôle. Essais ouais. sur la comédie. Il y a 5 épisodes, je crois. Sur la Cité de la Peur, sur Tais-toi. Mais c'est hyper bien écrit et tout. Mais je me dis, mais le temps qu'ils doivent passer. Ouais. Et le montage est chambé. C'est produit ou pas? Parce que ça doit coûter un peu cher quand même. Non, je crois pas. Un des gars s'appelle David Honora. Et c'est un très bon. Je dis pas parce que maintenant je parle un peu sur Twitter. C'est un mec qui fait des podcasts beaucoup. Il est chez Nos Ciné souvent. Il est dans des trucs comme ça. Et il est toujours très intéressant. Il a écrit un bouquin sur Shyamalan que je possède, qui est chambé. Et je sais qu'il bosse dessus. Et voilà. Donc tout ce qu'il fait souvent, c'est vachement bien. Donc voilà. Ça et sur Netflix un sketch show en plusieurs épisodes qui s'appelle I Think You Should Leave with Tim Robinson. Très chelou ça hein, quand même hein. Très bizarre mais quand même très marrant. Ouais, il y a des très bonnes En fait, c'est il y a un sketch sur Instagram qui m'a fait hurler de rire. Sur ouais, les meufs qui ouais. Bah, elle est géniale. J'étais sûr que on se connaît. Ah, attends. Vraiment très marrant, des sketchs. En fait, ça fait c'est cool de revoir des sketchs en fait quoi. Ouais. Juste depuis Key & Peele, on n'en voyait plus trop quoi. Et c'est vraiment bizarre en fait Tim Robinson. C'est un mec qui s'est fait virer du SNL, je crois parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas assez bon comédien, ouais. Un truc comme ça, ou trop chelou, machin. Et du coup, là, il fait son sketch show à lui, et effectivement, c'est chelou, ouais. Mais c'est aussi très drôle, et voilà, et c'est sur Netflix, donc c'est cool. Bah voilà. C'est ta recommandation d'ailleurs, je crois. C'est Zao. Zao. Zao, tout bonnement. Je vous recommande le dernier album de Zao, évidemment. Qui vient de sortir. Si vous avez, vous ou pas ? Moi, ouais, j'en ai une. Ouais. Vas-y, alors, Sarah ? Non, pas particulièrement. Julie. Voilà. Non, je vous recommande chaudement la saison 3 de Better Things, la série de Pamela Adlon. Enfin, les deux premières d'ailleurs, si vous n'avez pas vu. J'ai pas vu, ouais. C'est vraiment très très bien. Et je vous recommande aussi la série Pause, dont la saison 2 va commencer bientôt. D'accord. C'est quoi Pause déjà ? Alors, Pause, P-O-S-E, série sur le milieu du voguing et dans les années 80, milieu LGBTQ+. C'est sur quoi ? C'est sur FX aux États-Unis, donc MyCanal en France. D'accord, MyCanal. Moi, okay. Si jamais vous êtes, il y a la dernière saison de Game of Thrones. si vous savez pas, voilà, vous pouvez. Je rigole, mais j'ai pas vu moi. Je regarde pas. Je sais. Ouais. Moi, j'ai conseillé Barry en disant ah je regarde pas Game of Thrones. Adrien m'a envoyé bah super, t'es anticonformiste, non. Génial. Non, t'as dit. Je regarde pas Game of Thrones. Mais je l'ai pas dit comme ça. En fait, non, mais ça sonnait comme ça. Je suis d'accord. En le relisant. La story est vraiment encore visible. Ouais. Mais là, il y a marqué. Moi, je regarde pas Game of Thrones. Je regarde Barry. J'ai dit, tu serais pas anticonformiste. Mes mains ne faisaient pas ça. Mais effectivement, le relisant, c'était horrible. Ça sonnait vraiment comme ça. Dodeliné. Exactement. Je faisais une imitation de Sarkozy. Exactement. Antoine. Une série un peu référencée, assez cool. Rick et Morty. Non, j'ai compris. Kaamelott. Moi, ça m'a fait rire. Pickle Rick. Pickle Rick, c'est génial. Non, alors c'est un mec qui fait des vidéos YouTube. J'en avais maté un peu. Je trouvais ça absurde, cool et j'avais pas trop percé. Et je l'ai recroisé sur Twitch. C'est un mec qui s'appelle Copain du Web. Oui. Ouais. Et il a fait un live sur un livre dont vous êtes le héros. Et j'ai halluciné parce que je trouve que Twitch, à moins d'aller dans des formats avec un peu d'argent ou des trucs totalement absurdes, il n'y a rien qui sort des sentiers battus. Ouais. Et là, le mec, il a fait un truc, c'est un festival de gifs, d'écrans, d'effets. Le concept est ouf en plus de faire voter des gens sur un livre dont vous êtes le héros. Enfin, j'ai trouvé ça ouf, vraiment ouf, dans la réal, dans tout, j'ai adoré, je vous conseille même les replays, c'est un peu moins marrant à regarder en replay, mais vraiment sur le cul de voir un mec qui commence, enfin en tout cas de voir des choses sur Twitch qui commencent à être vraiment intéressantes et qui profitent du format, pour faire des trucs bah, que t'as vraiment pour le coup que t'as jamais vu. Trop c'est top, topissime. Cool. Greg ? Ouais, moi je conseille encore, c'est très très. Enfin, c'est vieux, mais je le conseille encore pour ceux qui l'ont pas vu. C'est The Defiant Ones, qui est l'histoire de Jimmy Levine et de, très bien. Dr. Dre. C'est, ça dure 4 heures, mais c'est vraiment une grosse claque qui te fait traverser toute la musique des années 70 à aujourd'hui. C'est génial. J'ai vu une autre série. Tu peux t'étonner, Julie, que je conseille une série. Non, moi-même, ça m'étonne. Je suis très contente. Ça m'étonne, mais j'ai vu une série qui s'appelle Sun Records, qui est sur l'histoire de Sun Records, justement, avec Sam Phillips, qui était le boss de Sun Records qui a produit Elvis cool. et Johnny Cash et B.B. King et tout ça. Je crois que je l'ai vu sur Et Tragédie. Non, je l'ai vu chez ma sœur aux États-Unis. Je sais pas où est-ce qu'on l'a vu. Ouais, tu sais pas où ça passe en France. Non. Ok, je vais essayer en même temps. Vas-y, continue. Et il y a un dernier truc que je sais pas pourquoi j'ai envie de vous conseiller ça. C'est ni une série ni rien. C'est un mec qui fait de la musique et qui a une page Facebook qui s'appelle Look Mom No Computer. Ah, et c'est mortel. C'est le mec qui avait fait l'orgue en Furby. Ouais. Donc c'est un mec qui est un anglais et qui est un génie de l'électronique et qui va démonter des synthés pour recréer des synthés et toujours faire des trucs géniaux. Il peut te mettre, je sais pas, une quinzaine de Game Boy pour faire du son à côté. Après, il fait un orgue et il va brancher des flammes dessus. Enfin, c'est un vrai. Mais il fait plein de petites vidéos. Ouais. Il fait plein de petites vidéos qui sont un peu virales, mais qui sont vraiment géniales. Et si on aime un peu le son, les synthés et tout, et l'accent anglais, parce qu'il a un accent anglais très très fort, c'est pas mal du tout. C'est à dire que j'ai voulu googliser ta série, je l'ai oublié à la seconde. Je suis vraiment, Sun Records. Je me suis vraiment tourné vers la recherche Google. Ouais, je te voyais taper. J'ai oublié. J'ai vraiment oublié. Donc j'ai mis des mots clés. C'est peut-être sur Amazon. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que sur le pendant mécanique de Look Mom, il y a le mec qui s'appelle Winter Gatton. Je sais pas si tu vois. Et lui, pareil, il construit une machine à musique en bois, métal et tout, en X milliers d'épisodes. C'est hallucinant le génie de ce mec. Et Look Mom, nos computers, mais le mec, il a l'air mais tellement fort en électronique. Je sais pas, il doit faire ça. Enfin, on a l'impression plus qu'il a un métal. Il a un atelier. Ouais, c'est bien fait. Mais il a un énorme. Il a un hangar, quoi, avec des milliers de synthés, des milliers de trucs électroniques. Il passe sa vie dedans, il fait des vidéos, mais c'est un truc de ouf, quoi. Je ne trouve pas où est diffusé Sun Records. Elle est diffusée aux États-Unis sur CMT, mais je pense pas qu'elle soit. Elle n'est pas sortie en France. Je vais pouvoir le télécharger. Et moi, pareil, tu parlais de Defiant Ones, qui est un documentaire de 4 heures. Moi, je vous conseille aussi un documentaire de 4 heures sur. Alors, je vais pas étonner grand monde, puisque c'est un documentaire écrit et réalisé par Judd Apatow qui s'appelle The Zen Diaries of Gary Shandling. Gary Shandling, qui était un scénariste mais surtout un humoriste américain, un stand-upper qui ensuite fait deux séries qui s'appelaient les It's Gary Shandling Show et le Larry Sanders Show. Le Larry Sanders Show étant considéré comme un peu le père de la série un peu rigolote sur la gêne, donc qui aurait inspiré To The Office. C'était aussi, en fait, c'est une série qui se passe pendant un late show, donc ça a un peu inspiré 30 Rock, tout un pan de génération. C'est une des premières séries HBO comiques, donc voilà. Et effectivement, dans les scénaristes, il y avait Jon Stewart, il y avait Sarah Silverman a fait ses premiers rôles là-bas, Judd Apatow, donc qui a appris son métier sur cette série. Et ce mec-là, en fait, écrivait tout dans des carnets où il écrivait ses blagues et aussi ses visions de la vie. Donc, en fait, quand il est décédé, Judd Apatow a eu accès à tous ses carnets sur toute sa vie. Donc, ça va de la mort de son frère quand il est tout jeune, où sa mère lui interdit d'aller à l'enterrement, qui va en fait morceler toute sa vie. Ça va revenir assez régulièrement dans sa vie. C'est quand même très drôle parce qu'on voit plein d'extraits de stand-up, de séries, et le mec est vraiment marrant. Mais le mec est aussi un peu dépressif et c'est très intéressant. Même si vous ne connaissez pas Gary Shandling, moi je connaissais, mais vraiment plus de noms qu'autre chose, c'est extrêmement intéressant pour entrer dans la psyché chelou, triste et en même temps jovial d'un humoriste. J'ai aussi regardé le documentaire sur Robin Williams, qui lui est présent sur OCS, si jamais vous avez cette chaîne, qui est vachement bien aussi. Là, en l'occurrence, le Zen Diaries of Gary Shandling n'est dispo. Moi, je l'ai trouvé que sur le PlayStation Store. Il n'est pas visible sur un truc, mais tu peux le télécharger en VO sous-titré, parce que moi, je ne suis pas un gros bilingue. Et il est 4 heures de VO sous-titré, ça coûte 7 balles, je crois, et c'est extrêmement intéressant, je vous le conseil, ça fait 32 heures qu'on parle dans des micros, donc je vais dire au revoir à tout le monde. Merci à tous d'être venus. Merci de nous avoir écoutés. Et bisous tout le monde. Ciao. T'as dit qu'il y avait un épisode croisé ? Oh, je l'ai dit au début, je crois. Ouais. Je l'ai dit au début, je leur dis là. Si jamais vous n'avez pas eu assez de ce podcast, je lancerai le jingle après. On a fait un épisode croisé avec 2 heures de perdu sur Ready Player One, où on parle de ce film de Steven Spielberg. Et on s'en moque gentiment. Mais comme il est loin, Steven, on peut on se l'aime. Moquer. Voilà, puis je pense qu'il s'en il bat s'en un peu les couilles de notre avis. Et si vous ne connaissez pas par ailleurs et que vous nous découvrez,